Et on a été très inspiré par une initiative toulousaine qui s'appelle l'Atelier d'écologie politique de Toulouse. Et donc, début septembre, on a été quelques-uns à décider de se réunir et de créer une initiative similaire sur la région parisienne. Au départ, on était plutôt autour de Paris-Saclay, et puis on s'aperçoit que Paris aussi, il y a de la demande. Et du coup, ce qu'on a envie de faire à l'Écopolien, c'est d'un côté se parler entre chercheurs d'horizons très divers, hein, de toutes les disciplines, se parler autour de cette question de urgence climatique, urgence environnementale, transition environnementale, tout c'est en gros le bordel qu'on a. Ça, d'un côté, et de l'autre côté, se mettre ensemble pour partager les savoirs de toutes ces disciplines autour de cette question avec les publics. Et on a aussi une envie de faire ça autant à Paris qu'en banlieue, en Île-de-France, comme a dit Jeanne. Voilà. Et on est très content de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. On est carrément impressionnés, enfin pour ma part en tout cas. Juste une autre petite information, enfin, je ne sais pas par quel canal vous avez eu l'information pour la conférence de ce soir, mais je vous encourage à aller sur notre site Hypothèse Écopolien. Vous aurez tout un tas d'informations, enfin, vous aurez notre manifeste, notre raison d'être, mais également la présentation des séminaires à venir, parce qu'on a déjà toute une série de séminaires de prévus, à peu près un par mois. Le prochain étant programmé le 23 mars, je crois, enfin, la date est à confirmer, autour de freins à l'action, qui sera, ce séminaire se fera en présence de Jean-Michel Huppé, qui est un des initiateurs justement de l'atelier d'écologie politique de Toulouse. Et ben voilà, maintenant on est là ce soir pour aborder le thème de face aux désastres écologiques, l'action politique actuelle est-elle à la hauteur des constats scientifiques? Et vice-versa. Et pour répondre à cette vaste question, on a la chance et l'honneur d'avoir Valérie Masson-Delmotte, qui est une collègue du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est directrice de recherche dans ce laboratoire, mais qui est également coprésidente du groupe 1, du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, et également membre du Haut Conseil pour le climat, qui préconise entre autres des véritables actions à la hauteur de nos enjeux, enfin à la hauteur des enjeux. Donc Valérie est la représentante des sciences naturelles ce soir, et le représentant des sciences sociales, c'est Jean-Baptiste Fresseau, qui est historien, chercheur au CNRS et à l'École de hautes études en sciences sociales, et qui est co-auteur d'un livre qu'on vous conseille, qui s'appelle « L'événement anthropocène ». Et ben voilà, la parole est à vous. Bonsoir, donc je vais commencer. Ce que je voulais faire, c'était partager quelques points clés de rapports récents d'évaluation sur l'état des lieux. Donc les trois rapports spéciaux que le GIEC a rendus en 2018-2019, et puis quelques éléments par rapport à deux autres aspects. Le rapport du Haut Conseil sur le climat, qui a été rendu enfin, au mois de juin de l'année dernière, le premier, et aussi un rapport d'une commission sénatoriale, Dantec et Le Roux, sur l'adaptation de la France au changement climatique. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire et j'ai, je crois, une vingtaine de minutes. Alors, donc, en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, dans la région parisienne, comme dans toutes les régions du monde, les connaissances, elles sont produites principalement dans les universités, dans les centres de recherche. Elles font ensuite l'objet de publications. Il y a à peu près, sur la question du changement climatique, 20 000 publications chaque année dans le monde. Ce qui fait que c'est impossible à chacun d'entre nous de suivre au-delà d'un domaine, en fait, assez étroit. Et ça justifie d'autant plus de faire collectivement une évaluation régulière de l'état des connaissances à partir de cette masse d'informations scientifiques. Donc l'idée des rapports d'évaluation qu'on fait dans le cadre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est passer en revue ces informations régulièrement, voir ce qui est robuste, c'est-à-dire ce qui résiste à l'examen critique de chercheurs successifs, voir ce qui est émergent, c'est-à-dire parfois pas solidement établi, mais potentiellement important, comprendre les termes de controverses scientifiques, c'est-à-dire pourquoi on ne peut pas forcément conclure parce qu'on a des éléments contradictoires ou imparfaits, et puis enfin, identifier où sont les limites des connaissances, qu'on ne peut pas évaluer les verrous scientifiques, mais aussi en creux les voies de recherche hein, pour produire ces connaissances-là. Donc le GIEC, en deux mots, il a été mis en place il y a 31 ans, en 1988. Donc à la fin des années 1980, on suivait l'évolution de la température, on suivait l'évolution de la composition de l'atmosphère, on avait déjà des modèles de climat, on avait déjà des travaux scientifiques qui montraient que l'activité humaine perturbait profondément la composition de l'atmosphère, mais on avait encore des incertitudes sur son poids par rapport aux évolutions climatiques observées. D'accord ? Les tendances qu'on a observées depuis, c'est ce qui était attendu à l'époque par des travaux pionniers de modélisation du climat. On voit se dérouler des choses qui avaient été anticipées depuis une trentaine d'années. Donc on est au sixième cycle d'évaluation du GIEC, donc il y a eu cinq séquences de rapports d'évaluation successifs. Et au début de ce sixième cycle, on était en 2015. 2015, c'était du côté politique, la recherche d'un cadre international pour une coopération, pour une action collective entre les différents pays du monde vis-à-vis du climat. Donc le protocole de Kyoto allait venir à la fin de son périmètre. Et il y avait donc ce moment en fait, où il y a eu quelques cadres internationaux qui ont été mis en place. Je le précise parce que c'est important. Donc, les Nations Unies se sont fixées les objectifs du développement soutenable avec un ensemble de dimensions qui définissent ces dimensions d'un développement soutenable. Avec le premier objectif, c'est lutter contre l'extrême pauvreté, mais il y a aussi la faim, il y a aussi la préservation de la biodiversité, il y a tout un ensemble d'autres dimensions. Il y a eu la mise en place d'un cadre également pour agir par rapport au risque de catastrophe, l'accord cadre dit de Sendai, pour la coopération et l'action pour agir en amont pour la gestion de crises, en fait. Il y a une intersection avec le climat, sur les événements extrêmes en particulier. Et puis, il y a eu également une réflexion sur l'évolution des villes, avec une réflexion sur construire des villes résilientes, en fait, dans un climat qui change. Et puis, à la fin de l'année 2015, il y a eu l'accord de Paris sur le climat. Donc, ça a fait un ensemble de cadres qui, finalement, ont été le contexte dans lequel les gouvernements ont réfléchi sur l'information climatique qui était pertinente pour eux. Donc, quand on fait les évaluations des rapports du GIEC, c'est une coproduction. Vous avez d'un côté, à votre place, les représentants de tous les pays du monde. Et puis, de mon côté, entre guillemets, les membres du bureau du GIEC, on est 34, on est tous des scientifiques dans différents contextes. Donc, nous, on apporte quels sont les développements scientifiques. Et puis, de l'autre côté, il y a quelles sont les attentes des différents pays du monde d'informations scientifiques. C'est une co-construction, c'est-à-dire on écoute leurs attentes, on regarde ce qui est disponible, on définit ensemble les thèmes qu'on doit aborder. Les gouvernements nous aident en faisant des nominations de chercheurs pour contribuer, de relecteurs. Ils participent à la relecture, puis à la fin, ils approuvent, phrase par phrase, mot par mot, les points clés de l'évaluation. Donc, moi, j'appelle ça vraiment une co-construction. Donc, ils nous ont demandé, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, de faire le point sur 1,5 degré de réchauffement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. Donc, l'objectif principal, c'est contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. Il y a aussi des objectifs de financement, de coopération. Et certains pays très vulnérables considéraient que ce n'était pas assez ambitieux. Et donc, ils voulaient mention d'un réchauffement, d'un objectif plus ambitieux, c'est-à-dire une aspiration à agir pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Quand les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils se tournent vers les scientifiques et hop, ils demandent un rapport. Donc, ils nous ont demandé qu'est-ce que ça impliquerait en termes de risques supplémentaires ou évités, cette demi-degré de différence, ce que ça impliquerait en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, dans le cadre du GIEC, ils l'ont inscrit dans la réflexion sur un développement soutenable et les efforts pour éradiquer l'extrême pauvreté. Et ça, ça a conditionné la manière de faire cette évaluation-là. Donc ce rapport, il a été rendu en 2018. Et je le résume en disant chaque demi-degré compte, c'est-à-dire entre maintenant 1 degré de réchauffement dû aux activités humaines passées depuis la fin du 19e siècle. On en voit déjà les conséquences. Ce n'est pas le même monde qu'un monde 1,5 degré plus chaud ou 2 degrés plus chaud. Ce n'est pas le même monde en termes de caractéristiques climatiques dans les différents continents, au niveau des océans, au niveau de l'évolution des glaces. Ce n'est pas le même monde en termes d'intensité, de récurrence d'un certain nombre d'événements extrêmes. Par exemple, les choses qui augmentent pour chaque demi-degré de plus, c'est la récurrence des vagues de chaleur sur les continents. C'est également l'augmentation de l'intensité des pluies records dans certaines régions, pas partout, ou c'est l'augmentation de la sévérité des sécheresses, par exemple dans les régions de climat méditerranéen. Voilà, c'est quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Donc, en fait, en termes d'aléas climatiques, il y a une différence pour chaque fraction et pour chaque demi-degré de réchauffement planétaire supplémentaire. Mais les risques, c'est pas que ça, c'est aussi les vulnérabilités, les expositions. Donc, dans ce rapport, on a fait une évaluation donc des connaissances vis-à-vis des risques. Et ce qu'on a montré, c'est que, bien sûr, certains écosystèmes sont plus exposés et vulnérables que d'autres. C'est le cas, par exemple, pour les récifs de coraux tropicaux qui blanchissent. Et plus les vagues de chaleur en mer sont fréquentes, répétées et intenses, plus la récurrence de ces phénomènes est fréquente et plus ça conduit à des dégradations en fait, de la diversité biologique de ces récifs. Et on a montré qu'en 70 à 90% d'entre eux seraient sévèrement dégradés dans un monde d'un degré et demi plus chaud et quasiment tous dans un monde de 2 degrés plus chaud. C'est un exemple parmi d'autres. On a aussi fait ça par rapport aux sociétés humaines. Donc il y a des enjeux, par exemple, d'une baisse des rendements agricoles pour un certain nombre de céréales qui sont critiques, en particulier dans les régions tropicales, ou une baisse de productivité des animaux qu'on élève dans un climat plus chaud, aussi dans les régions tropicales, ou aussi une baisse du potentiel de pêche dans les océans tropicaux, dans un climat qui se réchauffe. Donc là, vous voyez que la question, ce n'est pas simplement une question de climat, c'est aussi une question de sécurité alimentaire, quelque part, hein, qui se dessine en filigrane. Donc on a montré qu'un monde d'un degré et demi plus chaud, c'est plus de banquise à la fin de l'été, une année sur 100. Donc une banquise qui est toujours présente sur l'Arctique, qui se réduit. Dans un monde de 2 degrés, c'est plutôt une année sur 10 ou une année sur 3. Donc en fait, un panorama complètement bouleversé, avec un mélange d'opportunités et de vulnérabilités. Donc si vous voulez avoir de nouvelles routes commerciales plus courtes, c'est une opportunité. Si vous voulez aller explorer des gisements divers et variés, à terre comme en mer, avec moins de banquise, c'est une opportunité. Et puis, si votre mode de vie traditionnel il dépend de la banquise pour les déplacements ou pour les écosystèmes qui dépendent de la banquise, c'est une vulnérabilité. Et ce que j'essaie de dire par là, vraiment très rapidement, c'est que dans une région donnée, on peut avoir des vulnérabilités et des opportunités pour chacun des aspects d'un climat qui change. Ce qui manquait pour notre évaluation, c'est des connaissances sur la capacité d'adaptation. Quel est le potentiel d'adaptation pour les secteurs humains, pour les villes, pour l'agriculture, pour le bâtiment, pour les chaînes de transport, de marchandises et tout le reste. On a souvent en fait pas assez de littérature, de connaissances sur quelle est la capacité d'adaptation concrète et quelles sont les limites aux capacités d'adaptation. Ça, c'est une vraie limite dans l'évaluation qu'on est capable de faire de risque. Donc, on a fait cette évaluation-là et c'est clair, il y a des bénéfices évidents à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible, et en particulier par rapport à des centaines de millions de personnes qui sont dans des conditions fragiles, qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté, et pour qui le changement climatique ajoute un stress en plus d'autres facteurs de risque, pour la sécurité en eau, pour la sécurité alimentaire, la sécurité des revenus, etc. On a aussi montré, bien sûr, que chaque année compte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on veut stabiliser le réchauffement à un niveau très bas, il y a deux conditions. Il faut que les émissions mondiales de CO2, qui n'ont fait qu'augmenter et qui ont stagné l'année dernière, diminuent fortement pour atteindre le plus vite possible le zéro. Parce qu'en fait, ce qui compte sur l'évolution future de la température, c'est la somme des émissions de CO2 passées, présentes et futures. Donc si vous voulez que le climat, le réchauffement se stabilise, il faut qu'à un moment donné, on soit à zéro. C'est-à-dire que nous, on ne mette pas plus de CO2 dans l'atmosphère humain, qu'on soit capable d'extraire et de stocker de manière durable. Donc c'est un rapport qui a mis en avant cette question de la neutralité carbone d'une manière très claire, comme un des prérequis pour contenir l'évolution future de la température. Et puis l'autre condition, c'est réduire l'effet net des activités humaines, donc l'effet réchauffant des autres gaz à effet de serre, et qui restent un peu moins longtemps dans l'atmosphère, ou qui sont un peu moins importants, et l'effet refroidissant des particules. Cet effet-là, il faut arriver à le baisser le plus vite possible. Alors il y a aussi des choses intéressantes, parce que ça touche à des enjeux, par exemple qualité de l'air et climat, qui sont aussi importants pour nous en matière de santé publique, par exemple. Et donc, on a montré en fait quelles sont les trajectoires qui permettent de contenir le réchauffement à un niveau bas. Ça veut dire, en gros, pour le contenir en dessous de 2 degrés, baisser d'un quart les émissions mondiales de CO2 à horizon 2030, et la neutralité CO2 à horizon 2070. Et pour 1,5 degré, c'est baisser de moitié d'ici 2030, et la neutralité CO2 à horizon 2050 partout dans le monde. Donc ça, c'est le décor. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les promesses faites par les pays dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, elles impliquent des émissions mondiales qui ne sont pas sur un scénario de laisser-faire, qui ne sont pas sur une augmentation forte, mais elles impliquent une augmentation qui se poursuit moins vite jusqu'en 2030. Et ensuite, on ne sait pas, puisque les promesses mises sur la table, c'est à horizon 2025-2030. Donc si on prend ces promesses qui existent, qu'on les traduit, elles sont plutôt cohérentes avec des trajectoires qui nous mènent à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés à la fin de ce siècle, s'il n'y a pas une ambition et une action plus immédiate. Donc, par rapport à la question de cet atelier, c'est vraiment ça l'enjeu le plus important, je pense. Après, ce qu'on a également regardé dans ce rapport, c'est toutes les options d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, qu'est-ce qui est mûr, et quelles sont les dimensions de faisabilité. Et il y a des dimensions donc, de transformation dans le secteur de l'énergie, décarboner la production d'électricité, électrifier tous les usages de l'énergie, remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies bas carbone. Il y a des transformations dans le secteur des terres, donc agriculture, gestion des forêts, des milieux naturels et alimentation. Des transformations des villes, qui concentre en fait beaucoup de consommation et beaucoup de leviers d'action, des transformations industrielles avec l'économie circulaire, l'efficacité énergétique. Il y a un besoin d'infrastructures, etc. Donc il y a aussi un besoin de réorientation massif des investissements vers les solutions en dehors des énergies fossiles. Donc ça, c'est les dimensions de ces transformations si on veut vraiment contenir le réchauffement à un niveau bas. Donc il y a un volet d'innovation technologique avec des choses qui arrivent, qui sont mûres, des choses qui sont dans les cartons, qui vont émerger, et puis des choses qui ne sont pas encore là. Il y a une dimension d'innovation sociale, parce que si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas, on ne peut pas avoir une demande en énergie, une demande en matériaux non renouvelables et une demande alimentaire qui ne font qu'augmenter. Sinon, les systèmes de production ils seront tellement gros qu'on n'arrivera pas à les transformer assez vite. Donc c'est une particularité pour contenir le réchauffement à un niveau bas. Il y a une question d'offre, de système de production en gros, mais aussi une question de demande et de forme de sobriété qui vont avec des transformations rapides. Donc c'est pour ça que je parle toujours d'innovation technologique, d'innovation sociale et aussi d'innovation frugale, au sens où ces solutions, on a besoin qu'elles soient abordables. On a besoin qu'elles permettent en gros à tous de vivre dignement, de donner l'accès à l'énergie à ceux qui l'ont pas, l'accès à l'eau à ceux qui l'ont pas, permettre à tous de manger à leur faim. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce caractère d'innovation frugale qui fait partie des réflexions qu'on a. Et donc le dernier volet de ce rapport, c'est vraiment cette idée chaque choix qui compte, au sens où l'action pour le climat, c'est pas une action pour le climat où dans un coin d'un ministère, on va avoir un plan pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas du tout ça, en fait. C'est à tous les niveaux, de l'échelle locale à l'échelle internationale, dans chaque secteur d'activité, penser en fait un développement qui soit résilient, c'est-à-dire quand on fait quelque chose aujourd'hui, penser que le climat sera pas le même dans les prochaines décennies et faire en sorte d'être le moins vulnérable possible. Penser des transitions qui soient justes, c'est-à-dire des transitions qui protègent les plus vulnérables, à la fois par l'adaptation et aussi par rapport aux politiques publiques pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et on a vu dans plein de pays à quel point, par exemple, le prix de l'énergie, c'est un sujet explosif socialement. Donc cette question, en fait, de transition juste, il est essentiel. Et aussi des transitions qui soient équitables et éthiques. Alors, pourquoi éthique ? L'idée, c'est d'agir pour le climat, mais aussi au bénéfice de la biodiversité. Et certaines solutions, elles peuvent présenter des risques d'effets pervers, être bénéfiques pour le climat, mais au contraire, être très dommageables par rapport à la biodiversité terrestre, par exemple. Et donc, sur le dernier volet, sur les choix qui comptent, c'est vraiment cette idée de construire une voie de développement au sens permettre à tous de vivre dignement, c'est comme ça que je l'entends, partout, aujourd'hui et demain, et une voie de développement résiliente et qui aille vers cette neutralité carbone. Donc, on regarde dans le rapport ces dimensions-là sur la base des éléments qui sont disponibles. Et ce rapport, il est complété par le rapport sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Donc celui-là, on l'a rendu en août 2019. Et pareil, il regarde différentes dimensions. Il regarde la dégradation des terres, la désertification, l'adaptation à un climat qui change, comment dans le secteur des terres, on peut stocker du carbone, donc participer à l'atténuation, et comment on peut renforcer la sécurité alimentaire. Et donc ce rapport, il montre à quel point les terres émergées, elles sont sous pression. Donc on utilise 70% des terres émergées, il y en a un quart qui sont déjà dégradées. Il y a un effondrement de la biodiversité qui est spectaculaire. Et si on ne fait rien, le changement climatique va continuer à ajouter à ces pressions et pourrait empirer une situation qui est déjà tendue, en particulier en matière de sécurité alimentaire. Il pourrait le faire, mais ça dépend de nos choix. Et peut-être c'est le leitmotiv de ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça dépend vraiment des choix qu'on fait en termes de développement. Les risques, par exemple, pour la sécurité alimentaire, ils vont dépendre de l'ampleur du réchauffement, de sa vitesse, mais ils dépendent aussi de combien on sera. Ça dépend aussi de comment on va produire, comment on va consommer. Est-ce qu'on va réduire les inégalités et renforcer la capacité, y compris des plus pauvres, à s'adapter ou pas ? Et donc, pour un même niveau de réchauffement, les risques, par exemple, d'insécurité alimentaire, ils vont vraiment dépendre de ces choix de développement, de manière spectaculaire. Donc, c'est pas qu'une histoire de climat, c'est une question de bien d'autres choix, par exemple des politiques foncières. Quelle politique pour la gestion des terres, pour les droits à la terre, quel type de modèle agricole. Donc ça, c'est le premier volet sur les terres, des terres qui sont sous pression croissante et le climat ajoute. Le deuxième volet, c'est qu'il y a plein de solutions qui existent. Plein de solutions qui existent. Et dans ce rapport, on a pensé les choses en matière de système alimentaire, c'est-à-dire on va de la production à notre consommation, puis aux déchets, donc dans l'ensemble des systèmes alimentaires, et on montre qu'il y a des leviers d'action partout qui sont disponibles aujourd'hui. Parfois issus de connaissances locales, autochtones, développées pendant des siècles, qui ont permis d'avoir des systèmes résilients, en réalité, mais qui sont détruits par une industrialisation de la production. Donc on montre qu'on peut agir au niveau de la production agricole, avec beaucoup de bénéfices dans beaucoup de dimensions, pour par exemple améliorer la quantité de carbone dans les sols, améliorer la qualité des sols, leur capacité à stocker de l'eau, avec des bénéfices dans toutes les dimensions. On montre qu'on peut agir sur les pertes et gaspillages alimentaires. C'est 20 à 30% de ce qui est produit, qui est perdu souvent dans les pays pauvres, ou gaspillé plutôt dans les pays riches. Donc là, en fait, c'est sans regret si on agit sur ce secteur-là. Ça réduit des émissions de gaz à effet de serre, ça libère des terres qu'on peut utiliser pour faire autre chose. On montre aussi qu'il y a des leviers d'action sur nos choix alimentaires. Alors ça a été parfois mal compris, on a dit le rapport du GIEC dit qu'il ne faut pas manger ci ou pas manger ça. Nous, on ne fait jamais de prescription, on regarde les différentes options et on regarde leurs bénéfices ou leurs risques d'effets indésirables. Mais il y a quelque chose qui ressort clairement, c'est que le régime alimentaire dans chaque région, dans chaque culture, il n'est jamais le même. Mais les prescriptions nutritionnelles, ce qu'est une alimentation saine, bonne pour notre santé, pour vivre longtemps, ça recoupe en fait ce qu'est une alimentation qui réduit la pression sur les terres et qui réduit les émissions de gaz à effet de serre associées. Donc plein de fruits, plein de légumes, de légumineuses, de protéines végétales, et puis si vous voulez, un peu de protéines animales, produites dans des systèmes astucieux, avec des bénéfices pour l'environnement. C'est en fait ça qui optimise les bénéfices pour la santé et pour l'environnement. Et puis la dernière chose, et ça c'est un point de vigilance, on montre aussi qu'on ne peut pas compter sur le secteur des terres pour apporter des solutions à tout le reste. Si on ne réduit pas les rejets de gaz à effet de serre du secteur des énergies fossiles, il ne faut pas compter sur la capacité à reforester ou stocker du carbone dans les sols pour absorber toutes les émissions issues des autres secteurs. Alors pourquoi c'est un point de vigilance ? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous proposent de mettre des arbres partout. En particulier dans les secteurs industriels les plus polluants. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. On peut effectivement renforcer des puits de carbone, on peut avoir des méthodes de restauration d'écosystèmes, de boisement, qui soient au bénéfice des populations locales, de la biodiversité, mais bien sûr, le potentiel est limité. On peut aussi utiliser des terres pour produire de l'énergie, donc de la biomasse pour l'énergie, pour remplacer les énergies fossiles. Et si en plus on est capable de capter le CO2 derrière les centrales qui brûlent ça, puis de l'enfouir, en fait, on enlève de manière nette du CO2 de l'atmosphère. Sur le papier, ça a l'air très bien. Le potentiel existe, mais en fait, il est limité. Ça n'a de sens que si c'est intégré dans des systèmes diversifiés, avec une gestion diversifiée des paysages, et pas sur des monocultures qui risquent en fait d'être une pression supplémentaire sur les terres ou les droits des populations locales et tout le reste. Donc ça, c'est la partie terre. Et je termine sur la partie océan et cryosphère. Donc la cryosphère, c'est tout ce qui est neige, glace et sol gelé. Donc dans ce rapport-là qu'on a rendu cet automne, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, les activités humaines qui perturbent le climat, elles ont déjà laissé une empreinte partout, du haut des montagnes, dans les régions polaires les plus éloignées, et jusqu'au fond de l'océan. Donc on altère les milieux physiques, on altère les écosystèmes dont nous dépendons nous-mêmes. Et encore une fois, on met en avant l'importance des choix que l'on va faire, qui peuvent permettre de renforcer la résilience de ces milieux naturels, ou au contraire, qui peuvent l'exacerber. Donc on montre les enjeux pour la haute montagne, par exemple chez nous la diversification des activités liées au tourisme d'hiver pour diversifier des revenus parce que l'enneigement diminue en moyenne altitude dans un climat qui se réchauffe et ça va se poursuivre, ou bien la gestion intégrée de l'eau parce que quand vous avez moins de neige et moins de glaciers, vous stockez moins l'eau pendant la saison de précipitation, donc vous pouvez exacerber les tensions sur l'eau pendant les saisons sèches, donc mieux gérer l'eau, ça fait partie des options de réponse. On montre tous les enjeux pour les régions polaires qui sont aux premières loges, avec ce qui se passe dans les régions polaires qui concernent 4 millions de personnes dans l'Arctique, mais aussi qui concernent l'ensemble des gens qui vivent sur le littoral, puisque la perte de glace du Groenland a augmenté, la perte de glace de l'Antarctique a augmenté, et c'est ce qui contribue à une accélération de la montée du niveau des mers. Donc la question du littoral, elle est majeure. Elle est majeure, il y a beaucoup d'options de réponses possibles. Ça pose beaucoup de questions de stratégie d'adaptation, devant des situations qui peuvent être conflictuelles, des intérêts contradictoires. Et ça souligne l'importance des procédures participatives pour construire en fait ce que sera l'adaptation sur le littoral à chaque endroit, de sorte que ce soit débattu, discuté et que ça fasse l'objet de choix concertés. Qu'est-ce qu'on protège ? Est-ce que c'est ce qui est stratégique ? Est-ce que c'est les résidences secondaires des gens aisés ? Est-ce que c'est les plus vulnérables ? Comment on va le faire ? Comment on mutualise la gestion de risque ? Est-ce qu'on renforce les défenses en dur ? Les villes peuvent le faire, les villes riches. Est-ce qu'on renforce les milieux naturels et les écosystèmes avec leurs services ? Il y a un potentiel, mais il est limité. Ça marche bien dans les régions peu peuplées. Et puis, est-ce que parfois on se replie, on recule ? Et dans quelles conditions ? Comment on le fait en conservant son identité ? comment on le fait dans les meilleures conditions possibles. Tout ça font partie des questions que pose la montée du niveau des mers et ça va continuer à l'être. Et puis après, il y a aussi la question de ce qu'on ne voit pas forcément au quotidien, mais les écosystèmes dans l'océan. J'ai parlé des récifs de coraux, mais il y a en fait tous les écosystèmes marins qui sont affectés par un climat qui se réchauffe, un océan qui s'acidifie, qui perd de l'oxygène, qui se mélange un peu moins dans un climat qui se réchauffe. Et donc il y a aussi quelque part la question de ce qu'on veut transmettre, hein, ce qu'on veut préserver. Et ce rapport-là, il termine en disant qu'il y a urgence à agir, approuvé par tous les pays du monde, il y a urgence à agir de manière ambitieuse, concertée, délibérée et de manière tenace, en fait. Hein. C'est démarrer maintenant, mais continuer à agir, parce que pour ces milieux-là qui réagissent lentement, il va falloir faire avec, il va falloir anticiper, et pour éviter d'être piégé en gestion de crise, après gestion de crise. Et je termine en disant le rapport du Haut Conseil sur le climat. Il a souligné que la France n'agit pas à hauteur de son ambition. Donc il y a une stratégie nationale bas carbone, ambitieuse, pour aller vers la neutralité tout gaz à effet de serre à horizon 2050. Mais la baisse des émissions de gaz à effet de serre telle qu'elle a lieu actuellement, elle est en gros deux fois moins vite que ce qu'il faudrait faire. On s'attend dans cette stratégie à avoir des baisses importantes dans les années à venir, en particulier par exemple sur les activités agricoles, mais il n'y a pas de politique en place. On souligne que, par exemple, sur les lois qui sont passées, il n'y en a que quelques-unes en fait, qui sont évaluées à l'angle de leur implication sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, tout l'enjeu d'avoir vraiment une gouvernance à hauteur de la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre et des objectifs qui sont affichés. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a échoué à tenir le premier budget carbone de la France et on a revu à la baisse l'ambition sur le suivant. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là à renforcer l'action concrète pour ne serait-ce que tenir les objectifs que l'on s'est fixés. Et enfin, sur l'adaptation, le rapport Dantec-Leroux, donc un rapport sénatorial, il montre l'importance des enjeux pour la France de s'adapter à un climat qui change. La France en métropole, mais aussi la France dans les Outre-mer. On a quasiment toute la diversité des zones climatiques hein, sur les territoires français, en mer comme à terre. Et il montre l'importance de construire vraiment un débat et une mise en œuvre de stratégies en particulier pour le littoral, mais pas uniquement, dans tous les secteurs, en particulier la gestion des forêts, la gestion de l'eau, à hauteur des enjeux que va poser l'adaptation à ce climat qui va continuer à changer, mais dont l'ampleur des changements dépendra de ce qui se fait partout dans le monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, merci pour l'invitation, je suis très honoré. Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est en fait plutôt le vice-versa, c'est-à-dire pas tant est-ce que l'action politique est à la hauteur des constats scientifiques, parce que là, la réponse est assez évidente, je crois. C'est plutôt dans l'autre sens, en fait, finalement. C'est-à-dire est-ce que la recherche scientifique est à la hauteur de l'impératif d'agir très, très vite sur ces affaires d'énergie en particulier, de transition énergétique. Et ce qui me frappe, d'ailleurs, avant de venir cet après-midi, j'ai relu une partie du rapport 1.5, parce que c'est un très long document, j'ai lu qu'une partie, c'était le chapitre 4, qui est sur, en gros, la possibilité de faire une transition énergétique. Et ce qui est frappant, en fait, c'est dans ce rapport, mais dans les rapports en général sur le climat, c'est le vocabulaire, moi, je trouve. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on trouve le mot gouvernance, le mot transition, le mot innovation, disruptive innovation, governance. Alors ça, on en trouve, mais institutions aussi, j'imagine. Donc ça, résilience aussi arrive en force. Et le mot transition est sans doute l'un des mots les plus cités. Rien que dans le chapitre 4, qui doit faire une dizaine de pages, c'est 220 fois. Donc vraiment, c'est à tous les paragraphes. Ce qui me frappait aussi dans ce chapitre, c'était la littérature citée, parce que en gros, est-ce que dans le passé, il y a eu des transitions énergétiques, et est-ce que on peut donc espérer que ça va aller au bon rythme. En gros, il y avait une question du rythme que ça pouvait avoir, et le débat, c'était bon, dans le passé, il y a eu des transitions énergétiques, mais elles n'ont jamais été au rythme suffisant ou à l'échelle suffisante. Et ce qui est cité, en fait, c'est pas du tout des travaux historiens, on va dire, c'est plutôt des travaux de sociologues qui ont vaguement lu des travaux d'histoire de l'énergie, mais qui racontent des choses très très bizarres, en fait. Les exemples qu'ils vont prendre de transition rapide, par exemple, c'est le nucléaire en France. Alors c'est vrai que dans les années 70-80, il y a une transformation technique importante. On ferme tout plein de centrales au charbon et on les remplace par des réacteurs nucléaires. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que finalement, si on regarde les émissions de CO2 françaises, elles baissent dans les années 70, mais principalement à cause des chocs pétroliers, de l'augmentation du coût du pétrole. Et après, dans les années 80-90, ça baisse tout doucement ou ça stagne en fonction des années, mais il n'y a pas de réduction rapide des émissions de CO2. En tout cas, ce qui est présenté par l'article cité là, c'est Benjamin Sovacool, comme une sorte de grand exemple de transition hyper rapide. L'effet général sur les émissions de CO2 de la France n'est pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour décarboner l'économie française avant 2050. On est vraiment, enfin, pas du tout dans la bonne trajectoire, quoi. Donc ça, c'est l'autre exemple qu'il prend, ça va être les appareils à air conditionnés aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la transition énergétique ? C'est pas parce qu'on installe des appareils rapidement aux États-Unis dans les années 70-80 qui sont assez efficaces effectivement que ça ressemble à une transition énergétique. Donc ce qui me frappait moi dans ce chapitre, c'est déjà c'est focalisé sur les techniques. Les exemples qu'ils prennent, c'est des exemples techniques. Un point qui me semble vraiment important pour ce débat-là, pour la discussion sur l'environnement, c'est qu'il faut arrêter de parler de technique, il faut parler de flux de matière. Ça, je crois que c'est vraiment le point peut-être le plus important, j'ai juste ça à vous dire. En fait, on n'arrête pas de parler de technologie énergétique, de technique, etc. Mais ce qui importe vraiment, c'est de faire baisser radicalement les flux de matière, en particulier les flux de carbone, mais aussi plein d'autres flux en vérité, si on veut faire baisser les flux de carbone. Alors, cela dit, je jette la pierre à Sovacool et à Frank Gills, qui sont les auteurs cités dans ce chapitre-là. Alors, il faut savoir aussi que l'auteur, le lead author du chapitre, c'est une dame dont j'ai encore oublié son nom, Hélène Déconique. Alors, je ne la connais pas du tout, mais j'ai vu qu'elle était spécialiste. Elle avait créé un bouquin sur le carbon storage, carbon capture and storage. Donc, si on demande des rapports à des gens qui s'intéressent à l'innovation, etc., mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais si on demande un rapport à ce genre de personnes-là, forcément, ça oriente d'une certaine manière l'écriture du chapitre. C'est inévitable, c'est normal, c'est naturel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le carbon storage and capture, mais ça veut dire qu'on peut aussi étudier tout plein d'autres choses. Alors, je jette la pierre un peu sur ces travaux de sociologues qui sont en fait obsédés par l'innovation et par le changement technique. Mais en vérité, si je prends des collègues historiens, en fait, des bouquins importants d'histoire de l'énergie, le mot transition est absolument omniprésent aussi. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de livres récemment sur l'histoire de l'énergie et transition est absolument partout. Alors dans des bouquins qui sont de référence, hein, Power to the People par exemple, c'est un grand livre très quantitatif d'histoire de l'énergie. Et ils peuvent écrire sans sourciller alors qu'ils ont tous les chiffres. Le 19e siècle, c'est le siècle du charbon. Le 20e siècle, c'est le siècle du pétrole. Alors qu'évidemment, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'au XXe siècle, évidemment. Ils peuvent écrire sans sourciller que l'électrification, c'est une grande transition énergétique. Mais quand on électrifie, bah, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on consomme beaucoup plus de charbon. Parce que l'électricité, il faut bien la produire avec du charbon. Alors au début, il y a un peu d'hydroélectricité. Mais très vite, quand on sature les barrages, en fait, ça va être essentiellement du charbon. Donc voilà, un bouquin très sérieux emploie ce mot de transition, à mon avis, de manière complètement abusive. Si vous prenez un livre important aussi, celui de Wrigley, de Pass to Sustain Growth, c'est un grand historien du 19e siècle, un grand historien de la révolution industrielle. Il a écrit le livre de référence sur l'histoire de l'énergie. Mais lui, il va décrire l'histoire du 19e siècle britannique, en gros, en disant c'est une transition d'une économie organique, ce qu'il appelle organique, donc c'est globalement, ça repose sur le bois, l'énergie du bois principalement, puis l'énergie musculaire aussi, et puis l'eau, à une économie fossile, minérale économie, dit en fait. En fait, quand vous regardez... Alors c'est vrai en relatif, c'est vrai que le charbon, c'est très important à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne. Mais si vous prenez en valeur absolue, la Grande-Bretagne consomme beaucoup plus de bois fin 19e qu'elle n'en consomme au 18e siècle. 6 fois plus par habitant. Donc il n'y a pas de transition d'un système qui serait du bois à un système vers le charbon, c'est pas vrai. En fait, le charbon, plus on consomme de charbon, plus on va consommer de bois en fait. C'est à deux types de bois, ça ne va pas être du bois à brûler forcément. Ça va être par exemple du bois d'œuvre, mais par exemple pour extraire du charbon, il faut mettre tout plein d'étais pour boiser les mines. Ça consomme des quantités de bois absolument considérables. La construction, évidemment, de maisons, ça consomme beaucoup de bois. Le tonneau, là je travaille sur ce genre de choses en ce moment, mais les tonneaux, on produit de plus en plus de tonneaux au cours du 19e siècle. Et pourquoi ? Parce que le commerce augmente et la seule manière de transporter des choses, c'est dans des tonneaux ou des caisses en bois, mais des tonneaux surtout. Et par exemple, en fait, donc le point, je pourrais quasiment m'arrêter là, mais c'est de dire finalement. On a ce mot transition qui nous obsède, qui informe les récits historiques et qui informe notre culture générale, en gros, sur cette idée qu'il y aurait eu des changements énergétiques majeurs dans le passé. Donc, il faut faire un nouveau changement énergétique maintenant pour résoudre notre problème. Mais en fait, il y a plein d'autres mots qui seraient beaucoup plus pertinents pour décrire le passé. Par exemple, addition énergétique, c'est sans doute bien meilleur, ou symbiose énergétique. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, à mon avis, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut travailler. Alors, je parle pour les économistes et les historiens. Hein. Mais par exemple, si vous prenez le début du pétrole, fin 19e, début 20e siècle, le pic de production du tonneau aux États-Unis, c'est 1910, et il y a 128 millions de tonneaux produits par an. Et pourquoi on produit tous ces tonneaux? Ce n'est pas parce que d'un seul coup, ils boivent beaucoup plus de whisky, c'est parce qu'ils transportent du pétrole. Et pour transporter le pétrole, on a besoin de produire tout plein de tonneaux. Même s'il y a des tankers, à la fin, il faut quand même vendre ça à des gens, aux consommateurs individuels. Ils ont des tonneaux qui ont fait ça. Si on pourrait prendre plein d'autres exemples comme ça. Par exemple, le pétrole, ça renforce la productivité de l'agriculture grâce à la synthèse des engrais azotés. Vous avez une agriculture plus intensive, vous avez besoin de moins de surface agricole utile. Donc, vous avez une croissance de la forêt. Dans tous les pays riches, ça a lieu, en particulier en France. La surface forestière augmente beaucoup au XXe siècle. Mais ce faisant, la production de bois explose. Donc, on produit beaucoup plus de bois au cours du XXe siècle en France qu'on en produisait au XIXe siècle. C'est multiplié par 3. D'accord. Et c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus, c'est pas que je sois hostile aux éoliennes. Au contraire, je pense que remplacer des centrales au charbon par les éoliennes, c'est hyper important. Et ça fait absolument aucun doute. Mais ce qui m'inquiète, c'est plutôt de se dire que on n'a jamais fait de transition, que ça va être en fait extraordinairement difficile. Voilà. Si on prend encore l'exemple du bois, le bois, ce n'est pas une énergie qui est dépassée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui utilisent du bois. Il y a 2,3 milliards de personnes sur Terre qui dépendent du bois pour la cuisine et le chauffage. J'ai regardé récemment la production de charbon de bois. C'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup dans la plupart des villes d'Afrique subsaharienne. C'est le charbon de bois qui sert pour faire la cuisine. Au Brésil, il y a une grande sidérurgie au charbon de bois encore de nos jours. Donc c'est voilà, le charbon de bois est encore utilisé massivement. Il est utilisé d'autant plus massivement qu'on a du pétrole qui rend plus productive l'agriculture et qui permet de produire davantage de charbon de bois, si vous voulez. Donc c'est vraiment penser plutôt en termes de synergie de toutes ces matières et toutes ces énergies qui me semblent importantes. Je pourrais m'arrêter là, à vrai dire. Deux statistiques qui me semblent importantes. Plutôt que citer les sociologues qui ont vaguement lu l'histoire de l'énergie, utiliser des collègues, en particulier autrichiens, qui travaillent sur justement les flux de matière. Ils ont surtout des données sur le second XXe siècle. Et ce qui montre, c'est évidemment l'extraordinaire accumulation de matière. J'aurais pu vous montrer, d'ailleurs, si ça marche en fait. Je vais passer ça rapidement. Je vais vous montrer directement ce que je veux. Ça, c'est la consommation de bois en Angleterre entre 1840 et 1938. Vous avez une multiplication par 6, en gros, de la consommation de bois. Bon, ça, je vais passer tout ça. Hop. Ça, c'est, je vous avais dit 128 millions de tonneaux aux États-Unis en 1910, mais on a 849 millions de palettes produit par an aux États-Unis pour le commerce. Donc en fait, on n'a pas déboisé, si vous voulez, l'infrastructure du commerce. Au contraire, on consomme plus de bois pour transporter sans doute des marchandises maintenant qu'on le faisait à la fin du 19e siècle. Je voulais vous montrer ce graphe-là en particulier. Donc vous avez, ça c'est un article de 2019 qui est tout récent, qui justement étudie toute l'extraction de matière à l'échelle globale entre 1900 et maintenant. Alors, je vais simplement commenter le graphe en haut à gauche. Ce qui est assez frappant, donc, c'est voir évidemment que... Alors, il y a tout. Il y a les énergies fossiles, les métaux, la biomasse, à la fois l'agriculture et le bois, et puis le béton, en particulier le gravier. Le gravier et le sable qui pèsent très, très lourd en fait, dans les flux de matière. Et ce qui est très inquiétant, je trouve, c'est que, en gros, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle grande accélération. Si vous voyez, il y a eu une grande accélération dans les années 50, avec les Trente Glorieuses en France, l'enrichissement de plein de pays riches. Et puis, depuis les années 2000, c'est principalement lié au développement très rapide de l'économie chinoise, une nouvelle grande accélération. D'accord ? On consomme de plus en plus de matière depuis une dizaine d'années. En gros, dans les 13 ans, entre 2002 et 2015, ils se disent qu'on a extrait 1000 gigatonnes de matière. Donc ça, c'est un chiffre facile à retenir. 1000 milliards de tonnes de matière extraites entre 2002 et 2015. Et ça représente un tiers de tout ce qui avait été extrait depuis 1900. L'autre papier que j'avais trouvé intéressant pour un peu insister sur cet aspect, non pas de transition, mais d'accumulation dans l'histoire, c'est un papier de Devezas et Magui qui prennent, ils font un truc tout simple, ils vont utiliser les statistiques du US Geological Survey. Ils prennent les 65 principales matières premières. Sur les 65, il n'y en a que 6 qui ont diminué, 5 ou 6, j'aurais pu me souvenir, qui ont diminué entre 1950 et 2010. Alors celles qui ont diminué, il y a des choses assez mineures, le thallium, le baryllium, des choses qui sont en petite quantité, donc c'est pas très significatif. Il y en a 3 qui sont intéressantes. La laine a diminué, mais ça a été remplacé par le nylon, donc en termes environnementaux, ce n'est pas génial. Il y a le mercure et l'amiante. Et encore, ça reste un niveau assez important en vérité. Hein, le mercure et l'amiante en particulier dans les pays pauvres, on consomme encore beaucoup d'amiante. Et donc, ce qui est frappant, c'est de voir que les rares matières qui ont diminué, c'est des matières où il y a eu des interdictions. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est parce que c'est dangereux et donc on a réduit la consommation. Un autre exemple que je pourrais vous donner, que je trouve assez parlant, c'est on explique souvent que, je reviens un peu en arrière, le pétrole aurait sauvé les baleines. Vous savez, il y aurait une substitution, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire que l'huile de baleine était déjà obsolète parce qu'il y avait déjà des bougies qui étaient très, très efficaces, qui marchaient très bien, donc il n'y avait plus vraiment besoin, à vrai dire, de chasser la baleine. Mais le pétrole a au contraire permis de mieux chasser les baleines parce que ça permet de faire des bateaux qui sont plus puissants, d'aller chasser dans l'hémisphère sud. On utilise des harpons pneumatiques qui permettent de récupérer la baleine une fois qu'on l'a tuée. Donc la pêche à baleine augmente en fait au début du XXe siècle. Et si on a sauvé des baleines, c'est parce qu'on a interdit, dans certains pays, pas tous, la pêche à la baleine. Voilà. Donc c'est un peu, à mon avis, ce constat assez pessimiste qui vient simplement de l'histoire des flux de matière, quoi, de se dire finalement on n'a jamais vraiment fait de transition par le passé. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, ça, c'est vraiment du jamais vu. Et a priori, enfin, je ne doute pas que ce soit très important de mettre des éoliennes et des panneaux solaires. Ça fait aucun doute. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, évidemment. Mais c'est évident que c'est pas du business as usual. C'est même pas de la gouvernance améliorée, des transitions et des institutions. Quoi. C'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus profond, sans doute, qu'il faut faire pour faire changer cette courbe d'un seul coup en 20 ans ou 30 ans. Quoi. Alors dernier mot. Mais non, je peux m'arrêter là. Enfin, on y reviendra peut-être dans la discussion. On s'arrête sur ce point optimiste. Merci. Et du coup, donc maintenant, on est ouvert au débat, aux questions, mais aussi aux commentaires. Du coup, la parole est libre, mais régulée. Et donc, on a deux règles. Une, c'est qu'on alterne entre femmes et hommes pour les questions et les commentaires. Et la deuxième, c'est que la parole est limitée, c'est-à-dire vous avez une intervention courte jusqu'à 2 minutes. Voilà. Qui veut commencer ? Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour vos présentations. J'ai juste une question très simple. Dans les graphes que vous avez montrés, est-ce que vous les avez aussi par habitant ou est-ce que vous avez une idée des chiffres par habitant, à quel point l'augmentation est si énorme ou pas ? Parce qu'entre maintenant et 1900, la population a aussi beaucoup augmenté. Alors, ça dépend quel graphe. Sur le bois en Angleterre, c'est par habitant, en fait. Il y avait deux graphes. Il y avait une courbe qui montait haut et une courbe qui montait un peu moins, et c'était par habitant la deuxième. Mais si vous prenez la consommation de bois par habitant, elle a augmenté au cours du XXe siècle. En France, par exemple, c'est très, très probable parce que la production a été multipliée par 3, donc a priori, la population elle augmente de quelques, enfin, je sais pas, 15-20%, donc ça, ou 30%, donc c'est une autre croissance. Ça va dépendre de quelle matière, de quelle. Enfin voilà. Donc. Mais. C'est sûr que la démographie a un rôle hein, dans cette accumulation de matière. Ça fait aucun doute. Maintenant, ce n'est pas le facteur premier. C'est-à-dire, entre 1800 et 2000, la population est multipliée par 7, mais la consommation d'énergie est multipliée par 50 ou 60. Enfin, on a plein d'autres grandeurs qui croisent beaucoup, beaucoup plus vite. Quoi. Donc, si la démographie, c'est évident que ce serait plus simple si on était 1 milliard, mais ça dépend vraiment de la manière dont on vit et dont on consomme. Quoi. Par exemple, dans le rapport sur les terres, ce qu'on rappelle, c'est que la consommation d'huile végétale et de viande, elle a doublé par personne depuis les années 1960. Voilà, donc ce n'est pas simplement une histoire de l'évolution démographique, c'est aussi une question de style de vie, de mode de consommation. Et sauf erreur de ma part, au niveau mondial, les émissions de CO2 par habitant, c'est resté relativement constant récemment. Et ça va refléter en fait l'intensité énergétique de l'économie. Et puis le poids CO2 de l'énergie produite, et puis après l'évolution démographique. Bonsoir. Moi j'avais une question en fait. Alors ça s'adresse un petit peu en retour à ce que Madame Masson-Delmotte a dit en introduction. C'était sur la co-construction du rapport. Donc les politiques font une demande qui est répondue par les scientifiques. Et en fait, on sait que selon la question qu'on pose, on va pouvoir éventuellement influencer la réponse. Et on sait que dans les pays de l'OCDE, par exemple, on essaye de pousser un peu, je sais pas, les brevets, par exemple, même dans les organismes de recherche. Donc la question, c'est, ça rebondit un petit peu sur le propos qui était tout à l'heure. Est-ce que les solutions techniques sont pas un peu trop poussées? Et est-ce que vous avez un moyen de cadrer pour éviter que la réponse dans le rapport soit trop orientée, soit par la question, soit par le fait que la nomination des scientifiques soit orientée? Pour donner un ordre de grandeur, les demandes, c'est des propositions reçues. On en avait reçu 31 en tout au début de ce cycle d'évaluation. On en a retenu 3 qu'on a regroupées en fait à partir de d'autres propositions pour essayer de donner sens en ayant une évaluation qui soit la plus intégrée possible. En tout cas, c'était l'intention. On a par exemple repoussé au prochain cycle d'évaluation, donc après 2023, de faire un rapport spécial sur les villes et le changement climatique. On parlait tout à l'heure d'utilisation de matériaux, on parlait d'enjeux de développement. On est devant un mouvement d'urbanisation sans précédent dans le monde. La question des villes, de comment les villes dans les pays en développement vont être construites et comment nos villes ici vont être ou pas transformées, c'est un enjeu majeur, on n'a pas pu le traiter pour ce cycle. Après, sur les auteurs, donc ils sont proposés, les chercheurs hein, qu'on va, ou les experts. Donc, la plupart sont dans le monde académique, certains dans les entreprises, d'autres dans des ONG. En gros, c'est un peu ça le panorama. La plupart dans le monde académique. On a des propositions par les pays. Donc la France, elle fait circuler ça dans les labos, puis les gens s'inscrivent. Et puis s'ils sont à peu près en lien avec la thématique, leur CV est transmis. Dans d'autres pays, il y a plus de top-down, par exemple en Chine. Et puis il y a des pays où ça ne percole pas très bien. Donc c'est des difficultés qu'on a. Les pays transmettent des nominations. On a aussi des organisations internationales de recherche qui transmettent des nominations. Les membres du bureau du GIEC dont je fais partie peuvent faire des nominations. Et la sélection, donc je vais donner l'exemple, hein, pour mon groupe de travail, donc on est 9 en tout dans le bureau, vice-président, co-président, ça se fait au consensus. Donc on va prendre les 1000 nominations pour notre rapport complet qu'on reçoit. On va retenir des listes successives selon l'expertise dont on a besoin, sur la base des publications des gens, donc on lit des milliers de CV. Hein. Et ensuite, on cherche à avoir un groupe qui soit divers. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un groupe divers? Qu'est-ce que c'est la diversité? C'est des gens qui ont précédemment participé à des évaluations et d'autres qui ne l'ont jamais fait, 2/3 qui ne l'ont jamais fait. C'est des groupes avec une diversité de régions du monde, parce que même sur une même question scientifique, chacun apporte un regard et une connaissance des éléments scientifiques différents et complémentaires. C'est aussi des plus jeunes, des plus expérimentés, donc des gens qui sont super en pointe, hein, puis des gens qui ont un peu plus de recul, je le dis comme ça. Et enfin, c'est aussi l'équilibre homme-femme, même si on a une marge de progression importante de ce point de vue-là. Et c'est très clair que la diversité du groupe d'auteurs, elle enrichit l'évaluation, elle donne de la profondeur. Personnellement, moi, sur le rapport 1,5 degré, ce qui m'a vraiment frappé, c'était d'avoir dans chaque chapitre des auteurs plutôt du monde de la physique, plutôt de la biologie, un peu d'économistes, et des chercheurs en sciences sociales. Et c'est cette diversité dans ce cas-là de disciplines qui a en fait permis de formuler complètement différemment l'évaluation, même si ce n'est pas aussi bien que ce que ça aurait pu être. Mais c'est cette diversité de points de vue qui a permis de formuler différemment l'évaluation et même de l'exprimer autrement. Voilà. Ensuite, dans ces groupes d'auteurs, on a des biais humains. On fait face aux mêmes difficultés que tout groupe humain. Le plus difficile pour moi, c'est de voir des gens brillants qu'on retient sur la base de leur publication et après qui ont une forme de timidité, vous savez, à s'exprimer parce que peut-être ils ne parlent pas bien anglais, ils se sentent jeunes, ils se sentent un peu les imposteurs par rapport à d'autres qui sont plus établis. Et donc on travaille aussi à essayer de leur donner confiance et faire en sorte que chacun puisse contribuer. Voilà. Et après, sur l'approbation par les pays, à la fin, des fois, les faits scientifiques, ils dérangent. Hein. Il dérange certains, en particulier ceux dont l'économie dépend le plus des énergies fossiles. Mais quand le constat scientifique est solide, qu'il y a beaucoup de publications indépendantes qui confirment les choses, ce constat s'impose. Mais ce n'est pas rigolo à faire cette phase-là d'approbation quand on est sur des sujets très délicats. Les comptes rendus de nos sessions d'approbation, vous pouvez lire exactement à quel pays en gros a dit quoi, ils sont disponibles. On a des observateurs indépendants qui sont présents et qui en font un compte rendu factuel. Et alors, par contre, il y a quelque chose auquel moi je tiens profondément, c'est que cette phase d'approbation à la fin ne dénature en rien le contenu scientifique du rapport. Donc le dernier mot, il est toujours pour les auteurs du rapport, pour vérifier qu'une reformulation est cohérente avec leurs conclusions. Et sur les rapports, sur les 3 rapports qu'on a faits, à la fin, Ce qui est intéressant dans cette co-construction, c'est que le résultat est meilleur. C'est-à-dire on évite un peu de jargon. On essaie d'exprimer plus clairement les conclusions. Et les éléments visuels, les figures, je suis désolée, elles sont quand même assez techniques, mais en tout cas, elles sont mieux à la fin de l'approbation qu'au début. Parce que finalement, les représentants des pays, ce n'est pas forcément des scientifiques du domaine. Ils comprennent bien les enjeux, ils comprennent bien les enjeux politiques. Mais ils aident à sortir les scientifiques de leur bulle, de leur code, un peu. Voilà. Et ça, c'est, on ne le fait pas autant qu'on pourrait le faire dans le, par rapport au temps qui est imparti et aux contraintes. Oui, merci beaucoup à tous et à vous deux en particulier pour vos travaux. Vous devez vous douter que quelqu'un pourrait intervenir ce soir en résonance avec l'article des 1000 chercheurs et leur demande d'intervention sociale. Donc c'est ce que je vais essayer de vous dire en quelques mots. Pour moi, puisque j'ai vu que vous avez prévoyé un séminaire sur la question des freins, n'est-ce pas ? On est des freins. Qu'est-ce qui fait que ça bouge si peu, n'est-ce pas ? On est face, et cet appel des chercheurs m'a paru être significatif, face à une rupture. Il y a, on sent bien un besoin de rupture avec quelque chose. On ne sait pas bien, enfin, oui, on peut dire rompre avec la consommation débordante, etc. Mais c'est beaucoup plus profond. Et donc, on peut bien sûr comprendre que les gouvernements se précipitent sur des solutions techniques, voire même des chercheurs, des techniciens, ça doit abonder, ça abonde. Mais que la rupture, elle est d'une autre nature. Et que peut-être c'est équivalent à ce qui s'est passé dans les têtes lorsqu'on a découvert que la Terre n'était pas au centre du monde. Et que ça fait, et surtout sur un temps court, 10 ans devant nous, quelque chose qui demande une révolution copernicienne complète, enfin, et que ça ne plaît à aucun gouvernement. Et nous-mêmes, qui sommes des enfants gâtés dans la zone nord, comment voulez-vous ? Enfin, moi, je serais d'accord a priori, mais comment veut-on que ça change ? D'où l'appel des chercheurs qui, tout d'un coup, viennent sur la scène publique, un peu comme les nouveaux héros politiques, héros dans les deux sens, porte-voix et puis héroïques. Peut-être, moi ça m'impose des grandes questions politiques et anthropologiques sur qu'est-ce que ce changement dont nous avons besoin qui va bien au-delà et qui bien sûr réveille des freins colossaux, y compris chez des politiques qu'on croirait engagées, comme les Verts par exemple. Bah, il n'y a pas vraiment de question, mais moi j'ai trouvé cet appel vraiment bien fait. En fait, je trouvais qu'il était intéressant parce qu'il partait des constats et ensuite il aboutissait à la conclusion qui est un peu celle à laquelle on arrive quand on regarde ces flux de matière, que ça va pas se faire comme ça, quoi, effectivement. Donc d'où l'appel à la rébellion. Alors après, ça paraît un peu naïf, il faut se rebeller, etc. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc non, quand je dis naïf, c'est juste qu'il y a une sorte de... Enfin, par exemple, un des enjeux, ça va être aussi de peser sur certains pays qui ne veulent pas particulièrement, parce qu'ils ont des intérêts très précis, à ne pas changer forcément de modèle économique. Et pour ça, il y a besoin d'État, il y a besoin de GIEC, il y a besoin de négociations internationales, etc. Donc c'est pour ça que... Enfin, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, une fois encore, quoi. C'est évident qu'il faut peser le plus possible sur nos gouvernements qui peseront, eux, sur les industriels, qui ensuite pour. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est. Il n'y a pas une bonne manière, une seule manière d'agir, quoi, sur ce genre de choses. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que j'avais été interviewé par un journaliste qui me disait : « Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est des gens qui sortent un peu de leur rôle de scientifique en s'engageant comme ça ? » Je voulais simplement remarquer qu'en fait, les scientifiques, dans tous les cas, ils sont engagés, quoi. Quand ils vont aller travailler avec, je sais pas, dans la géologie pétrolière ou pour rationaliser l'agronomie, ils sont très engagés déjà, en fait. Sauf que dès que c'est de l'autre côté, en gros, ça devient l'engagement politique, alors qu'en fait, ils ont toujours été engagés depuis très longtemps, quoi, les savants. Voilà, je sais pas. Moi, je veux pas commenter cette tribune particulière, mais depuis longtemps, j'ai le sentiment que... Il y a plein de questions posées sur notre rôle comme scientifique sur ces sujets-là par rapport à la société. Il y a beaucoup de réflexions dans notre propre communauté scientifique sur notre rôle. Est-ce qu'on est légitime, pas légitime ? Quand est-ce qu'on sort de notre aussi peut-être devoir de rigueur ou de réserve qui existe ? Il y a aussi en fait tout un ensemble de scientifiques qui sont dans la dissonance, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur ce sujet-là tout en ne changeant rien dans la, concrètement, en réalité. Voilà, donc on a en fait tout ce spectre. Et ce qui me frappe, c'est aussi une impatience des plus jeunes dans nos laboratoires, dans les auteurs des rapports du GIEC, c'est très frappant. Une impatience a aussi concrètement dans nos pratiques aussi contribuer à ces transformations, ces transitions, je sais pas comment tu veux l'appeler, enfin voilà, à faire les choses autrement, s'interroger sur la manière de partager les connaissances. Voilà, donc ça bouge dans tous les sens. Et la question, c'est quel cadre on peut avoir aussi pour ça, pour apprendre des uns des autres, pour réfléchir. Alors, ce qui avait été mentionné, c'était l'exemple de Toulouse. Il y a un collectif qui s'appelle Labo 1.5 qui a été mis en œuvre pour justement essayer de voir dans les pratiques de nos métiers ce qu'on peut changer. J'ai vu aussi des choses à Nice, à l'université de Nice, qui réfléchissaient à comment on peut décloisonner entre le monde académique et puis le monde autour de nous, en fait, les villes, les territoires où on travaille, pour être aussi en appui aux questionnements et aux transformations de la société dans laquelle on vit. Et tout ça pose des questions, je pense, un peu nouvelles, pour lesquelles il y a une dimension, je crois, éthique qui est aussi importante et pour lesquelles il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes quand on va sur la place publique. Et de mon côté, par exemple, j'ai choisi d'être vraiment engagée sur la question de l'éducation et de la formation sur ces sujets-là. Je pense que c'est essentiel. Et c'est encore difficile. C'est troublant à quel point c'est difficile d'arriver à faire en sorte que nos connaissances, en tout cas sur le changement climatique ou sur l'évolution de la biodiversité, se soient enseignées comme ça devrait l'être, compte tenu des enjeux. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Dans les articles cités dans le rapport du GIEC, tous les modèles socio-économiques ont de la croissance économique en entrée, alors qu'on commence à avoir quand même pas mal de travaux scientifiques qui indiquent que limiter le réchauffement climatique en dessous d'une certaine valeur est incompatible avec la croissance économique. Et pour autant, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de scientifiques participants au GIEC qui ont ce point de vue. Et en fait, j'ai deux questions. La première, c'est d'abord, quel est votre point de vue sur cette question-là? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre que, justement, dans les rapports du GIEC, il n'y ait finalement que cette hypothèse qui soit présente dans les rapports, avec, pour moi, trois hypothèses, mais peut-être qu'il y en a d'autres. La première, c'est que ça fait partie de la lettre de mission initiale. On demande aux scientifiques de réfléchir dans un certain cadre. Et du coup, les scientifiques réfléchissent dans ce cadre-là et n'en sortent pas parce que ça fait partie de leur mission. La deuxième, c'est que finalement, peut-être qu'il n'y aurait pas de modèle économique, de simulation existante qui permettrait de résoudre les équations dans un modèle de décroissance du PIB. Donc là, ce serait une problématique purement scientifique, on va dire. Et peut-être qu'une conclusion serait qu'il nous manque des modèles pour savoir ce qui se passe quand le PIB baisse. Et la troisième serait peut-être que, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la formation et le contenu des groupes du GIEC, est-ce qu'il y aurait une espèce de doxa économique ou des personnes qui font partie de ce groupe-là qui, du coup, ne citeraient pas des travaux qui éventuellement existeraient sur ces thématiques-là? Ou éventuellement une quatrième solution, hypothèse que je n'aurais pas eue. Donc, est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus? Merci. Alors, d'abord, je ne suis pas économiste. Donc je ne suis pas sûre d'être la personne qui a l'analyse la plus aboutie sur ce point-là. Je vais décrire vraiment factuellement. On a vraiment essayé d'avoir des économistes à bord, pas dans mon groupe à moi sur les bases physiques du changement climatique, mais sur les questions d'adaptation, d'impact, et aussi sur les questions d'atténuation. Les rapports du GIEC, ils ont du mal à motiver des économistes à contribuer. Je ne peux pas répondre à la raison du pourquoi. Mais y a des choses, je pense, assez profondes dans la manière dont fonctionne la recherche en économie qui fait qu'il y a des freins à la participation d'économistes très reconnus à l'évaluation. S'ils s'autocensurent, on ne peut pas, nous, aller les chercher, ou s'ils refusent les nominations, on ne peut pas aller les chercher. Ça, c'est le premier volet. Donc, sur les trajectoires compatibles avec une stabilisation du réchauffement, il y a un groupe de recherche qui porte sur l'utilisation de ce qu'on appelle des modèles d'évaluation économique intégrés. Et effectivement, dans ces modèles, il y a des hypothèses sous-jacentes. Dans le rapport sur 1,5 degré, il y a un des scénarios, en fait, qui est rapporté, qui correspond à une baisse, enfin, disons une forme de sobriété sur la demande. C'est celui qui a, qui fonctionne d'une manière un peu différente par rapport aux autres, sur la base de ce qui existe dans la littérature et suffisamment détaillé pour qu'on puisse l'intégrer à l'évaluation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Après, il y a des questions sur ces modèles dits d'évaluation économique intégrée, en particulier parce qu'ils représentent de manière très mauvaise, il faut quand même le dire, y compris celui de Nordhaus qui a eu le prix Nobel d'économie. Ils représentent d'une manière tragiquement grossière le monde tel qu'il est. Celui de Nordhaus, il y a une seule région du monde, les autres ont quelques grandes régions. Ensuite, ils ne prennent pas en compte les conséquences économiques ou sociales d'un climat qui change, avec par exemple l'évolution, je sais pas, du prix des matières premières agricoles ou des choses de ce type-là. Sur la partie de gestion des terres, il représente très mal la question du prix du foncier, qui est en fait assez déterminante sur beaucoup d'aspects liés aux politiques agricoles. Donc on est sur des outils qui manquent dans la communauté scientifique pour croiser des recherches approfondies en économie, sérieuses, sur la base d'éléments un peu exprimés, avec des hypothèses claires, etc., et ce qui se passe dans un climat qui change. Et je disais tout à l'heure, on manque aussi de connaissances sur la partie adaptation, potentiel, coûts et limites. On commence à voir émerger une littérature sur ce que peuvent être les pertes et dommages dans un climat qui change, mais il y a des manques gigantesques, et en particulier dans les pays les plus pauvres, ou pour les populations les plus pauvres. Voilà, donc on est devant un manque en fait d'informations et un manque d'outils et je pense parfois d'appropriation dans certaines disciplines comme la recherche en économie. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, alors plusieurs choses. Peut-être que, enfin, par exemple, dans la liste des auteurs du rapport que j'ai cité, il y avait Jean-Charles Oucard qui écrit des choses très intéressantes par ailleurs. Donc je ne pense pas qu'un rapport puisse résumer aussi tout ce qui se dit d'intéressant. Jean-Charles, il a écrit des articles sur ce genre de questions. Non, bien sûr que non. C'est ça. Peut-être c'est toute cette moulinette qui finalement arrive à peut-être à un peu, à, des fois, à faillir ce que Jean-Charles Oucard peut dire par ailleurs. Quoi. L'autre... Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Non, l'autre point important, c'est en fait c'est la question des investissements verts qui devient en économie le paradigme dominant. Il faut investir tant de milliers de milliards pour résoudre la question du changement climatique. Et moi, ce qui me frappe, c'est et puis le Green New Deal aussi, on a ça aux États-Unis, quoi. Mais ces milliers de milliards qu'on va investir dans des infrastructures, comment on pourrait imaginer que ça va pas avoir des impacts environnementaux majeurs, quoi ? Si vraiment on veut refaire toutes les routes aux États-Unis, refaire les ponts, refaire des voies de chemin de fer, etc., ça a des conséquences environnementales très importantes. C'est pour ça que je trouve que c'est important les travaux de mes collègues autrichiens sur justement le béton et les infrastructures. Là, ils ont fait un autre article qui montre le coût environnemental de la maintenance de l'existant, en fait. Quand vous avez une route pour la maintenir, ça consomme énormément de béton. Et les routes, elles n'arrêtent pas de grossir, d'enfler, en fait, mais de manière assez spectaculaire. Hein. À chaque fois qu'on les rénove, elles prennent 30-40% de plus d'embonpoint. Et à chaque fois qu'on fait ça, et ben, on va aller prendre des graviers, on va aller donc faire une petite carrière à côté. Tout ça consomme, et puis ça consomme beaucoup de CO2, ça émet beaucoup de CO2 parce que le ciment est très intensif en CO2 pour le produire. C'est très compliqué de décarboner parce que dans le procédé même de production de ciment, je ne sais plus, il y a CaCO3 et à un moment, il y a un CO2 qui s'en va dans l'atmosphère. Donc, ça va être très difficile de le décarboner, à part si on arrive à récupérer le CO2, mais on ne sait pas vraiment faire. Donc, voilà, c'est vrai que ce paradigme des investissements verts, est-ce que ça va simplement rajouter une couche de renouvelables sur des choses qui resteront avec une très forte inertie quoi. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment une amputation énergétique de 80%, en gros, hein, qui repose sur les fossiles. Avant de penser forcément rajouter plein d'éoliennes. Alors c'est sûr que pour rendre moins douloureux l'amputation des éoliennes, ça aide. Mais c'est quand même d'abord l'amputation qu'il faut penser avant de penser la transition, quoi. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la Convention citoyenne pour le climat ? Cette idée de faire appel aux gens ordinaires qui, pour beaucoup, découvrent le problème ? Est-ce que ça peut vraiment marcher ou c'est juste une stratégie politique ? Et d'ailleurs, est-ce que les chercheurs du GIEC ont travaillé ? Enfin, est-ce qu'il y a eu une sorte de collaboration entre les deux ? Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, en 2018, j'avais été invitée au Parlement irlandais suite aux travaux de l'Assemblée citoyenne irlandaise qui avait travaillé sur d'autres questions de société, qui avait travaillé sur la question du climat. J'avais été frappée par la profondeur de la réflexion, par l'ambition qui était affichée. Et comme on était à ce moment-là dans un contexte de crise sociale très profonde en France, j'avais d'ailleurs écrit une tribune en demandant qu'il y ait quelque chose d'un peu similaire qui se mette en place. En particulier autour de la question penser une transformation et penser des choses avec le bon sens des gens qui vivent dans des territoires différents, avec des revenus différents. Donc on m'a demandé d'intervenir le premier jour ou le premier week-end de la Convention citoyenne pour le climat. Ça m'a beaucoup stressée en fait, parce que j'avais peur de ne pas expliquer les choses suffisamment clairement. Je ne savais pas si le degré de détail et le style en fait, à prendre. Et ce qu'on m'a dit après, c'est que ces personnes, donc 150 tirées au sort pour représenter la diversité de la société française, il y en a beaucoup qui n'en ont pas dormi la nuit suivante, parce que même s'ils avaient accepté de passer du temps sur le climat, donc c'est un filtre, ils pensaient que c'était quelque chose d'important, je pense, hein, ils étaient prêts à s'impliquer là-dedans, beaucoup n'avaient pas compris l'ampleur des enjeux, ni à la fois sur ce que ça implique un climat qui change en France, avec les risques associés, ni ce que ça implique en termes d'empreinte carbone et de transformation profonde pour parvenir à réduire les émissions chez nous de manière importante. Donc j'ai suivi vraiment à distance les travaux qui ont été faits. On m'a recontacté certains de ces citoyens pour me reposer d'autres questions. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les connaissances que ces personnes apportent. Ce jour-là, quand je suis intervenue, j'ai aussi échangé avec quelqu'un qui travaillait dans un garage, en fait, qui faisait de l'entretien de véhicules, qui s'était posé beaucoup de questions sur l'évolution des véhicules, leur poids, consommation de matériaux, les systèmes de climatisation, les gaz propulseurs, certains sont des gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, on a aussi toutes ces connaissances qui sont là, toutes les questions que se posent les gens concrètement, qui sont, je pense, très utiles. Et dernière chose, je pense que les citoyens pour le climat, ils sont beaucoup plus en prise avec la société telle qu'elle est, par leur diversité, par leur revenu aussi, leur type de revenu, leur âge, etc., que ne peuvent être des élus. Moi, ça m'a vraiment frappée. J'interagis aussi de temps en temps avec des élus, des gens qui ont des responsabilités importantes, et je les trouve, je m'excuse de le dire, j'espère qu'il n'y en a pas qui sont là, ou je devais que ces personnes, mais souvent, je les trouve hors sol par rapport même à la perception de ce qu'est un climat qui change et au vécu de ce qu'est un climat qui change. Donc on va voir ce qui va en sortir et on va voir ce qui va en être fait. Mais à mon sens, ce qui est important, c'est d'inventer de nouveaux processus délibératifs et pas simplement au niveau national une fois, mais y compris dans chaque ville, dans chaque endroit, pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire sur ce sujet-là par rapport à toutes les questions de vers quoi on se projette collectivement. Alors, nous, on avait envie de connaître un peu la salle. Et du coup, Jeanne a une question pour vous. Oui, on avait envie de savoir quelle était la proportion de personnes présentes dans la salle qui viennent du milieu académique versus les autres. Milieu académique, en fait, chercheurs, universitaires. OK. Très bien. Ceux qui ne viennent pas du milieu académique. Bien, bon, ça va, ça va. Il y a un peu de diversité, c'est bien. Super, merci. On a une question ici. Ouais. Vous rajoutez des questions ? Merci. Oui. Deux questions ? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous poser deux questions ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont lu, regardé un des rapports du GIEC dont j'ai parlé ? Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait un calcul d'émissions de gaz à effet de serre, soi-même ou dans son cadre professionnel ? Vous ne représentez pas du tout la société française. Hein. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu plus terre à terre. Je lisais un article des Échos qui parlait de la ville de Serre-Chevalier qui avait installé une éolienne en haut d'une montagne et qui disait que la ville de Serre-Chevalier avait entamé sa transition écologique. Donc, on se rend bien compte que le journaliste a très bien saisi la question de transition, de changement climatique. Du coup, ma question, c'est comment aller éduquer ces journalistes, comment traiter mieux le sujet du changement climatique et peut-être pousser la question un peu plus loin jusqu'au niveau de nos politiques. Quand je pense à Fessenheim, c'est d'actualité du jour. Comment on vient finalement, qu'est-ce qui manque comme lien entre les conclusions de vos travaux et les actions qui sont menées derrière et les traitements d'informations ? Je pense que l'idée qu'on va éduquer tout le monde à bien penser, c'est illusoire. C'est-à-dire il y aura toujours des gens qui travailleront aux Échos qui seront contre l'idée de... Je pense que c'est ça le sujet. C'est-à-dire, imaginez qu'on va tous être d'accord là-dessus, etc. Il y aura des intérêts froissés, etc. Et je pense que c'est plutôt bien, à la limite, qu'on se rende compte qu'en fait, il faut froisser beaucoup d'intérêts, en fait. Tant qu'on est dans l'idée unanimiste qu'on va faire une transition avec la bonne gouvernance et les innovations de rupture, en fait, on n'avancera pas vraiment, quoi. Moi, sinon, je voulais juste ajouter deux petites choses. Quand on regarde les autres types de pollution que le carbone, le plomb, le mercure, mais plein d'autres. Il y a des tableaux qui sont très bien faits par une institution qui s'occupe en France, une association qui s'occupe justement de la mesure dans l'industrie de tous ces types de polluants. Ils en suivent une quarantaine. On voit une baisse rapide dans les années 90-2000 et après ça stagne. Moi, j'ai peur qu'en fait, ça soit de plus en plus dur de décarboner l'économie. Pas de plus en plus facile, mais de plus en plus dur. Parce que, par exemple, j'avais vu, c'était pour le N2O. On met un truc catalytique à la sortie des usines, c'est rapide, c'est facile, mais après, ça devient plus compliqué d'aller chercher le dernier N2O. Pareil pour le plomb, pareil pour le mercure, etc. etc. L'autre point important, c'est aussi, ok, nous, on va peut-être faire une transition dans les pays riches, parce qu'il y a les capitaux, on va décarboner entièrement l'électricité, c'est déjà fait dans plusieurs pays, ou presque. En Angleterre, ils ont remplacé leurs centrales au charbon par des éoliennes. En Allemagne, ils ont dit qu'ils allaient fermer leur centrale en 2037. Nous, on a déjà fait l'erreur de mettre du nucléaire, etc. Donc, c'est possible de décarboner l'électricité. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, il y aura moins de demandes de charbon, de pétrole. Donc, le prix de ces matières premières va baisser. Et il y a une théorie importante en économie, c'est la théorie du cycle de vie. Quand un produit est plus couru dans les pays riches, et ben ensuite, il va se répandre dans les pays plus pauvres, quoi. Et donc, qu'est-ce qui nous garantit que, en fait, ce pétrole qu'on ne va pas consommer en Europe ou aux États-Unis ou dans les pays riches, il ne va pas être consommé en masse dans des pays qui ont encore besoin de beaucoup de se développer, quoi. Donc moi, c'est pour toutes ces raisons qu'à mon avis, je ne doute pas que ça soit important de parler technique, etc., mais ça ne suffira pas, quoi. Il y a plein de raisons assez fondamentales qui font qu'à mon avis, ce n'est pas simplement une question technique. Sur la partie traitement dans les médias, le nombre de journalistes vraiment spécialisés, par exemple, sur la question changement climatique en France, il est tout petit, en fait. Hein. Je sais pas, une dizaine, quelque chose comme ça. Plutôt dans la presse écrite, en fait, hein, ou à la radio. Souvent, ce qu'on voit maintenant, c'est que ces sujets-là, ils sortent de rubriques. Donc, ils vont être abordés par des journalistes qui regardent ça avec un angle complètement différent. Et donc, ils s'approprient la chose un peu sur le tas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je ne sais pas, nous, on avait essayé dans notre institut à mettre ensemble des doctorants, par exemple, de nos domaines, avec des étudiants d'école en journalisme, pour en tout cas qu'ils se créent leur réseau d'interaction, pour quand ils ont des questions, qu'ils puissent savoir auprès de qui se tourner. Enfin, voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est des initiatives qui sont intéressantes. Le monde de la recherche, par exemple, il n'a pas fait d'annuaire clair de qui travaille sur quel aspect. Et donc, souvent, on se retrouve à avoir des gens qui vont être invités comme, entre guillemets, experts d'un truc, qui ne le sont pas du tout, en fait. Hein. Enfin, voilà, qui parlent bien, qui sont disponibles. Et c'est un vrai problème. Je trouve qu'on ne donne pas assez à voir les gens qui ont des compétences sur les sujets non plus. On invite ceux qui vendent des livres, quoi. Enfin, je m'excuse, hein. Mais des livres très très bien. Mais voilà, il y a ce biais-là aussi qui est important. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut peut-être faire remonter des profils, valoriser par exemple les jeunes chercheurs qui sont à fond dans les trucs, qui connaissent le mieux leur sujet davantage, et puis aussi les former à plus être visibles sur les réseaux sociaux, ce qui est une façon aussi d'être visible auprès des journalistes en leur donnant des trucs, quoi. Voilà, je pense que ça peut être aussi une façon de faire. Ok, donc c'est deux hommes qui suivent, mais on l'a pas fait exprès. Par exemple. Il y a eu pas mal de questions critiques déjà qui étaient orientées vers le Working Group 3, en fait, du GIEC, le groupe de travail numéro 3, qui est celui qui travaille sur les solutions. Et je vais ajouter ma contribution à ça, mais je vais pas le faire. La raison pour laquelle je trouve ça intéressant de le faire, c'est qu'il y a un collectif comme Écopolien qui démarre, et que creuser ces questions sur le Working Group 3, je trouve que c'est peut-être un élément intéressant comme une piste. Voilà. Donc ma contribution, ça va être de dire, pour commencer, que dans l'exercice de sensibilisation que je fais occasionnellement, je me rends compte à quel point sur la partie physique, le groupe 1, le travail du groupe 1, et sur la partie impact, le groupe 2, les éléments des rapports du GIEC sont extrêmement précieux. Et sur la partie groupe 3, j'ai beaucoup plus de mal à m'appuyer sur ce qu'il y a là-dedans, et je vais donner très rapidement deux petites choses. La première, c'est que quand tu parles de d'innovation frugale et d'innovation sobre, moi je voudrais savoir où est-ce que c'est dans les rapports, sauf sur la question alimentaire. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que je suis océanographe et en océanographie, on voit monter la question du carbone bleu, qui est comment est-ce qu'on stocke du carbone dans, par exemple, les mangroves. Et on aimerait pouvoir s'appuyer sur le retour d'expérience lié au carbone vert, comment on stocke du carbone dans les forêts, REDD+, par exemple. Et on voit que là-dessus, en fait, le rapport, il y a une critique, mais elle est complètement en creux. Il n'y a rien dessus. Et donc, on peut pas s'appuyer là-dessus. Voilà. Alors que pourtant, la critique, elle existe, elle est dans la littérature. Donc, en fait, c'est des points qui sont importants. Ce que je voulais souligner, c'est dans le prochain rapport du groupe 3 est ouvert à la relecture maintenant, encore quelques jours. Donc, c'est la première version. Donc, vous pouvez vous inscrire, expliquer pourquoi vous êtes un expert du truc de près ou de loin, et ensuite récupérer les chapitres et envoyer vos commentaires. Donc, il y a un chapitre, effectivement, dans le groupe 3 sur la partie utilisation des terres. Donc, c'est là, en fait, où il faudrait avoir les critiques des mécanismes type REDD+, leurs limites et les choses comme ça. Donc, contribuer. Sur le carbone bleu, on a fait une évaluation assez superficielle dans le rapport océan et cryosphère, en fait, en tout cas sous l'angle du potentiel technique et sous l'angle aussi des bénéfices associés, c'est-à-dire en termes de biodiversité, en termes de communautés qui peuvent bénéficier de la restauration d'écosystèmes côtiers. Mais on n'a pas non plus complètement analysé des projets existants parce qu'on n'a pas non plus une littérature très vaste. La littérature qu'on a, elle est biaisée dans certaines régions du monde. Elle n'est pas du tout répartie de manière cohérente avec là où on pourrait agir le plus non plus. Donc, on a besoin qu'il y ait des études de cas, que les travaux qui se font, les retours d'expérience, les difficultés rencontrées, ce soit à un moment donné écrit quelque part, hein, dans un document accessible, un peu rigoureux, parce que sinon, nous, on ne peut pas, c'est pas dans nos radars. Et dernier volet, je pense, sur la partie atténuation. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, les discussions qu'on va avoir, elles sont propres à un contexte. Les questions qui se posent en France, ce n'est pas les mêmes que les questions qui vont se poser aux États-Unis ou dans d'autres endroits, je sais pas, en Corée ou ailleurs. Et donc, c'est là où, en fait, on est à la limite de l'exercice GIEC et on a besoin d'avoir des éléments beaucoup plus précis et concrets sur le contexte chez nous. Et chez nous, on a fait des choses faciles. Les émissions de gaz à effet de serre, elles ont baissé depuis les années 90 sur des choses relativement faciles. On a fait partir l'industrie lourde. Donc, du coup, le poids de nos importations a augmenté dans notre empreinte carbone. Et on est sur des choses qui sont compliquées, avec des contradictions, par exemple, entre des tendances à acheter des véhicules plus gros, plus lourds, alors que chez nous, le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports. Et toute la difficulté pour arriver à avoir un modèle économique qui fonctionne pour l'isolation des logements et de sorte à baisser la facture de chauffage et à décarboner le chauffage des logements. Donc on est sur des choses qui sont dures et on est un peu en avance par rapport à d'autres pays qui font les choses faciles, qui sont de décarboner l'électricité avant de s'attaquer aux choses plus dures. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a besoin de plus d'éléments factuels propres à chaque contexte pour arriver à avoir une discussion qui soit étayée par les éléments propres à chaque contexte. Donc avec le Haut Conseil pour le Climat, on essaie de le faire, mais il y a bien sûr d'autres ressources qui existent, qui sont importantes à mobiliser, spécifiques à la France. Alors, on a 4 hommes en attente et une femme qui a déjà parlé. On va poser une deuxième question. Est-ce que vous pensez... face au désastre écologique, l'action politique actuelle est-elle à la hauteur des consensus scientifiques? Oui? Non? D'accord, vous n'êtes pas représentatif de la société française. Alors, des femmes qui ont envie de poser des questions. Voilà, on en a une. Oui, puisqu'on parle des politiques, vous êtes peut-être au courant de la composition du... Je ne sais pas si c'est une commission, un comité, qui doit préciser le contenu du programme sur le développement durable dans la prochaine réforme de programme des lycées. Dans cette commission, il va y avoir M. Vincent Courtillot et M. François Gervais, voilà, qui prétendent que... qui sont climato-sceptiques, affirmés. Et que François Gervais, c'est un numérologue, enfin c'est un matheux, qui prétend que le réchauffement climatique est dû à des cycles de 60 ans créés par le soleil. Bon, donc on a ce genre de personnages qui sont dans un comité officiel des programmes du gouvernement français. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une action collective pour dénoncer ce fait qui est absolument scandaleux. Alors en fait, ils ont juste été auditionnés par le Conseil supérieur des programmes, qui a rendu son projet d'évolution des programmes, qui est public. Donc ils ne font pas partie du comité qui définit les programmes, ils ont fait partie des personnalités qui ont été choisies sur la base de leur expertise pour alimenter la réflexion du comité, comment ça s'appelle, Conseil supérieur des programmes. La salle peut aussi réagir, bien sûr. Oui, bonsoir. J'interviens avec une voix d'homme, mais c'est sûr que pour plus de la moitié, c'est ma partie féminine qui va faire l'intervention. Oui, je voulais faire état d'une étude, enfin que Valérie connaît bien sûr, sur la région Aquitaine, mais qui est originale et qui certainement va être généralisée dans l'ensemble des régions de la France. Dans l'Aquitaine, il y a Bordeaux, et Bordeaux, c'est la ville natale de Hervé Le Treut, qui est un de nos grands climatologues. Et donc, depuis une petite dizaine d'années maintenant, 8 ans, ils ont eu une approche qui est très, très originale et que je résume en deux points. Si, dans une région, vous avez envie de faire quelque chose, vous allez frapper à la porte du climatologue du coin et vous allez lui demander, ben, voilà, dans notre région, etc., qu'est-ce qui va se passer? Et il est obligé de vous dire, écoute, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que dans les simulations numériques globales, au début, c'était un point tous les quelques centaines de kilomètres, et maintenant, dans les meilleures simulations, tu me détrompes si je me trompe, c'est un point tous les 50 kilomètres. Alors, un point tous les 50 kilomètres, le Mont Blanc n'existe plus, les Pyrénées sont des collines, vous n'avez pas la description de la petite échelle ou de l'échelle pertinente pour dire, ben, ici et là, voilà ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'ils ont fait il y a 8 ans, et avec l'aide des instances régionales, c'est de mettre en place une structure nouvelle où il y a les scientifiques de la grande échelle du climat, et puis pour boucher le trou de ce qu'on ne sait pas à la petite échelle, eh bien de prendre des experts de terrain, c'est-à-dire des gens qui, à travers la variabilité climatique naturelle d'une année sur l'autre, eh bien, peuvent dire là où c'est fragile, là où ça résiste, comment fonctionne le système d'eau, les eaux de surface, les eaux plus profondes, le littoral, etc. Et ils ont publié un premier rapport. Ce que je voulais dire, c'est que l'exemple que tu as pris pour la région Aquitaine, c'est quelque chose qui se passe dans beaucoup d'endroits. C'est quelque chose qui se passe aussi entre des représentants de différents secteurs d'activité dans le monde des entreprises et aussi la communauté scientifique, avec l'idée de quelle est l'information climatique qui est utile pour agir. Et ça, on ne peut pas le savoir. Donc en fait, c'est tout un travail de co-construction aussi pour savoir quelle est l'information, par exemple, sur ce qui va produire des impacts dans différents secteurs, dans différentes régions. c'est aussi toute la question du regard critique des collègues. Il y en a plein qui sont là, qui font la modélisation du climat, donc vous pourriez aussi le dire. Mais il y a aussi toute la question du regard critique sur les outils qu'on a de modélisation, leurs limites, et en faire une utilisation qui soit la plus intelligente possible, compte tenu des limites des outils dont on dispose. Ça veut dire aussi regarder pas simplement les trucs médians, mais aussi éventuellement parfois des scénarios qui peuvent être à haut risque pour s'y préparer. Et on parlait tout à l'heure de l'engagement des scientifiques, c'est pour ça que je veux reboucler là-dessus. J'ai pas mal de collègues en Australie qui ont fait ça, hein, qui ont essayé de le faire. En Australie, par exemple, il y a pour la première fois une très grande organisation de fermiers, d'agriculteurs pour l'action climatique, parce qu'ils sont aux premières loges. Là, en fait, l'année dernière, ils ont perdu avec la sécheresse, ils vont perdre une partie importante des récoltes. Et mes collègues climatologues australiens ne savent plus comment faire. Ils se posent vraiment la question de comment porter leur voix, comment être entendus, comment faire en sorte que leurs préoccupations, pour même des enjeux de sécurité de leur propre pays, soient entendues. Donc je pensais à ça, madame, quand vous parliez sur la question de l'appel des scientifiques français. Beaucoup de mes collègues australiens, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils expriment leurs états d'âme, finalement, parce qu'ils trouvent que ça pour créer du lien d'humain à humain devant une situation inédite et violente. Qui fait suite au fait que leur connaissance ait été complètement ignorée, même en termes d'anticipation pour avoir une gestion de risque. Donc les questions qu'on me posait là, en fait, elles sont partout. C'est ce que je voulais mentionner. Et on a peu d'espace dans nos organisations professionnelles, très peu d'espace pour réfléchir à ça. Et avec ce sentiment d'urgence qui est présent, hein, je ne le cache pas. Que pensez-vous des jeunes activistes mondiaux de Extinction Rebellion, donc XR, et donc aussi de la désobéissance civile, justement pour mettre en mouvement les politiques? En tout cas, c'est le but. Non, mais j'ai rien de très original à dire là-dessus. Bah, je trouve que c'est très bien, quoi. C'est-à-dire, c'est la seule manière de faire bouger. Enfin, concrètement, cette assemblée citoyenne sur le climat, ça a eu lieu parce que Macron sent qu'il y a des voix à gagner chez les écolos. Donc, faut inscrire ça dans la séquence politique des Gilets jaunes, du succès ensuite des écolos aux élections. Voilà. Donc, de l'augmentation de ces mouvements. De désobéissance civile, de mouvements citoyens en faveur de l'écologie du climat. Donc c'est sûr que ça fait partie, ça va dans le bon sens. Après, il y a deux risques. Premier risque, c'est de braquer une partie de la population. C'est le premier danger, à insister sur le côté il faut être super radical, etc. Le deuxième risque, c'est de souscrire aux théories d'un effondrement très rapide et imminent à l'horizon 2030, qu'on trouve parfois dans le mouvement Extinction Rebellion. Voilà. Donc ça, je pense, c'est les deux écueils. Maintenant, qu'il y ait des mobilisations citoyennes pour ces affaires-là, c'est la seule manière de faire bouger les politiques, en tout cas ceux qui sont au pouvoir actuellement, quoi. Alors, je vais essayer d'apporter un regard un peu nuancé. Donc, il y a quelque part un ensemble de mouvements. Il y a aussi le mouvement des jeunes pour le climat qui marche. Il y a des mouvements de type désobéissance, plus ou moins drôle, plus ou moins tragique. Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais ça joue sur des codes en fait, de communication assez différents. Y en a certains qui suscitent la sympathie et d'autres, effectivement, qui peuvent aussi susciter un rejet, en particulier de ceux qui travaillent dur, qui n'ont pas le loisir de pouvoir participer à ce type d'action et qui se sentent aussi mis en cause quelque part. Voilà. Donc c'est un peu mon ressenti. Ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer plus largement ? Comment est-ce qu'on arrive à embarquer plus largement, en particulier les gens qui vivent des situations difficiles ? J'ai pas eu l'impression qu'Extinction Rebellion, c'était forcément très jeune. Moi, ce qui m'a frappée, c'était une diversité d'âge quand je suis passée devant certains événements. Ce que je trouve qu'on montre pas non plus peut-être assez, c'est un mouvement de fond dans toute une diversité de jeunesse. Une jeunesse qui fait des études professionnelles, une jeunesse qui fait des études supérieures, qui exerce une pression très forte pour se former, qui exerce une pression très forte sur les futurs employeurs en disant « moi, je refuse de travailler dans une administration, une société qui n'est pas porteuse de solutions ». Et ce que j'ai entendu, c'est que c'est cette dernière interpellation qui a le plus secoué le monde des affaires, sur la question de comment on va garder les gens intelligents dont on a besoin pour notre propre activité. Et également sur les mouvements qui jouent des codes de la désobéissance civile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné une peur d'une forme d'essoufflement s'il n'y a pas un espace de construction ? C'est-à-dire s'il n'y a pas un espace pour arriver avec des propositions concrètes et si c'est simplement la dénonciation ? Et ça, c'est une question qui m'est revenue souvent de beaucoup de jeunes qui ont marché, qui ont participé à des choses plus ou moins décalées, drôles ou pas drôles, et qui sont venus en disant, mais finalement, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça laisse ? Qu'est-ce que ça permet de changer ? À part peut-être une forme de sensibilisation, une sensibilisation autre, qu'est-ce que ça permet de construire ? Et ça, ça m'est revenu, en fait, à de très nombreuses reprises, la question de comment est-ce qu'on peut, à son échelle, faire avancer les choses concrètement, de sorte qu'au bout de 5 ans, on a l'impression d'avoir apporté quelque chose de constructif. Enfin, quand même, sur le bilan de Macron, ce qui en sortira, ça sera quand même l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes. Et ça, c'est bien parce qu'il y a eu un mouvement contestataire fort. Le renoncement aussi au grand projet, la Gonesse, c'est parce qu'aussi il y avait un mouvement social potentiel qui allait venir. Donc, je pense, et le problème, c'est qu'en fait, ils renoncent au grand projet, mais en fait, ils vont quand même urbaniser en faisant une ZAC et je ne sais quoi. Donc, sur des opérations de blocage, c'est hyper efficace et c'est majeur. C'est-à-dire... Sinon, grosso modo, par exemple, sur la question de l'urbanisation, on laisserait, je sais pas, le PTZ, ça continue d'exister, par exemple. Donc, le mitage, les pavillons mauvaise qualité subventionnés pour des gens qui ont à peine les moyens de s'acheter un pavillon, ça continue d'exister. Donc, en gros, il n'y a pas une politique gouvernementale forte d'arrêt de l'artificialisation des sols, en vérité. À part sur ces quelques trucs symboliques où il y a eu effectivement une mobilisation sociale importante. Donc c'est absolument indispensable. C'est-à-dire, je disais simplement les deux écueils, grosso modo, ça reste quand même largement positif. Alors, voilà. Alors deux questions. Face à l'urgence d'agir, les Nations Unies ont mis en point les objectifs du développement durable pour 2030. Première question, est-ce que ça vous semble réalisable, opérationnel, donc à l'échelle de la planète ? Deuxième question, est-ce que des groupes de scientifiques s'occupent de savoir à partir de quel moment des actions qui sont positives, qui vont dans une restreinte donc, de nos émissions de CO2 par exemple, donc à partir de quel moment, à partir de combien de critères de ces ODD 2030, quand ils sont mis en place, sont opérationnels, sont effectifs, ont un véritable impact écologique sur lequel on va pouvoir s'ancrer. De plus en plus de territoires vont pouvoir s'attacher pour améliorer cet impact et donc mobiliser le plus en plus de monde autour d'impacts écologiques positifs de 2020 jusqu'en 2030. Je ne suis pas sûre d'être complètement à même de répondre, mais en tout cas, chaque objectif il est associé à des objectifs un peu plus détaillés, puis chaque pays s'engage plus ou moins sur certaines choses. Donc en tout cas, ça donne une grille d'évaluation de ce qui a été mis en place, de ce qui n'a pas été mis en place. Il y a des objectifs qui sont contradictoires entre eux. Par exemple, l'action par rapport à l'accès à l'énergie d'un côté, et de l'autre, l'action pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Ça peut être potentiellement contradictoire. À mon sens, il manque une dimension d'objectif fort du développement durable sur la question de la qualité de l'air. C'est un peu le parent pauvre, c'est un petit peu caché dans l'objectif santé. On voit aussi une instrumentalisation de ces objectifs du développement durable parmi, par exemple, des grands acteurs de l'énergie fossile qui, eux, s'inscrivent derrière l'accès à l'énergie pour justifier des investissements croissants dans le secteur du gaz fossile, qu'ils présentent comme une énergie de transition, en oubliant l'aspect qualité de l'air et en oubliant la question des émissions cumulées de CO2, en jouant juste sur des transitions charbon-gaz pour justifier de cela. Donc voilà, je pense qu'il y a un point qui est prévu, il me semble, en 2020, sur là où on en est par rapport à ces objectifs. Mais je ne peux pas en dire davantage. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en tout cas cette formalisation pour regarder pour différentes options d'action sur la base des travaux disponibles, des publications, celles qui présentent pour le climat donc des bénéfices et des bénéfices dans d'autres secteurs ou au contraire qui peuvent provoquer des effets indésirables pour avoir une grille d'analyse qui soit plus nuancée et plus complète. Qui parmi vous connaît les 17 objectifs du développement durable ? Ah bah on a une question. Il y a quelqu'un qui attend depuis longtemps là. Depuis le début, pardon. Non, mais je vous ai... Oui, mais c'est pas grave, mais je ne suis pas une femme non plus, hein, donc bon, mais donc bon. En fait, je reviens à la question de Jean-Baptiste Fressos, parce que j'ai pas bien compris votre conclusion tout à l'heure sur est-ce que la recherche scientifique est au niveau des enjeux. Donc, mais je me pose la question aux deux, parce que vous avez évoqué effectivement, mais après coup, les scientifiques qui s'investissent considérablement dans l'industrie pharmaceutique, enfin dans toutes les industries, je dirais, négatives par rapport à notre sujet. Donc je pose vraiment la question à tous les deux. On parle aussi de géo-ingénierie, etc. Donc on voit bien qu'il y a des scientifiques qui vont un peu partout travailler sur une autre vision du monde de demain que celle que l'on partage, je crois, dans cette assemblée ici. Et je reviens quand même aussi un peu sur la question des économistes, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que c'est un des volets majeurs de la problématique. C'est le lien entre les politiques et ce modèle économique. Quand on voit qu'un prix Nobel d'économie a été remis à un monsieur qui travaille sur le nudge. Le nudge, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est le petit coup de pouce, la manipulation du cerveau. Comment ? Peut-être, je ne sais pas, oui. Enfin bon, c'est la façon de pisser droit dans un urinoir, par exemple, aussi. Mais enfin, ça, c'est un exemple qu'on donne, mais ça peut être servi pour vendre des armes, pour vendre, etc. etc. Donc, où sont les scientifiques, en dehors de ceux qui sont dans cette salle ? Comment ils bossent ? Et est-ce qu'elle est au niveau des enjeux, la recherche scientifique ? Alors moi, je soulignais simplement que cette notion de transition, en fait, elle est très ambivalente parce qu'elle prétend s'appuyer sur l'histoire en disant, voilà, et d'ailleurs, quand elle émerge, c'est vraiment la première fois qu'on en parle dans un grand public, c'est Carter quand même, lui-même, qui en 1977 fait un grand discours sur la crise énergétique et il dit, deux fois dans le passé, les États-Unis ont fait une grande transition énergétique, il faut faire encore une transition énergétique. Donc c'est vraiment une notion qui prétend parler de l'histoire et qui projette en fait un passé qui n'existe pas sur un futur super fantomatique. C'est ça qui m'inquiète, c'est ça le problème de la transition. Donc là, je pense que c'est important que les historiens fassent une histoire rigoureuse de ce qui s'est passé vraiment, quoi, tout simplement, et fassent gaffe aux mots, parce que les historiens vont être très prompts à reprendre des mots. Donc le mot de transition, au début, c'est pas un concept scientifique, hein, c'est... En fait, justement, pendant la crise du pétrole, il y a plein d'autres mots, on parle de crise énergétique, etc. Et on balance ce mot transition énergétique en disant, en fait, on va gérer le problème. D'ailleurs, au départ, transition énergétique, ça désigne le charbon. Quand ça naît, transition, c'est de dire, en fait, il n'y a peut-être plus beaucoup de pétrole, les États-Unis sont préoccupés par le pic du pétrole, mais on a une énergie de transition, et l'énergie de transition, à ce moment-là, c'est le charbon, et d'ailleurs, ça a marché. Parce que c'est vrai que les États-Unis, à ce moment-là, ouvrent un boom charbonnier absolument incroyable. Là où on consomme, là où ça augmente le plus vite le charbon aux États-Unis, c'est entre 1979 et 2008. Donc, se méfier, je pense, des mots. Et je dirais que c'est là où je trouve que la recherche scientifique n'est pas à la hauteur, c'est qu'on prend les buzzwords à la mode, hein, que quelqu'un balance. Donc, celui qui a balancé ça, c'est en fait Harrison Brown, c'est intéressant, c'est un ingénieur nucléaire qui a travaillé au Manhattan Project pour fabriquer le plutonium. Et le mot « energy transition », au départ, c'est un mot de physique nucléaire. Donc il est très probable qu'il a recyclé en fait ce mot de physique nucléaire. Et c'est aussi un néo-malthusien. Et on parle beaucoup de « demographic transition ». Donc en fait, il a fait une sorte, j'imagine, de mélange des deux en disant « voilà, ce qu'il faut faire, c'est des transitions énergétiques ». Donc on reprend les buzzwords. Mais moi, ce que je trouve aussi un petit peu dommage, c'est quand même quand je vois le chapitre 4 du GIEC, pareil, c'est un peu les travaux à la mode en sociologie. Donc ça va être en fait des travaux de sociologie d'innovation qui reprennent les théories de l'acteur réseau de manière assez mal fichue en vérité, qui sont parce que c'est à la mode. L'innovation, c'est super à la mode. Dans les années 80-90, tous les sociologues ont étudié ça. Hein, et donc c'est pour ça que c'est le mot qui est partout dans les textes, parce que c'est à la mode. D'accord. Et la recherche scientifique, elle suit en fait en général le discours politique. Il y a l'impératif de faire des innovations. Donc, en France, on a créé un centre de sociologie d'innovation dans les années 80, le centre d'histoire de l'innovation à la même époque. C'est des chercheurs qui, en fait, travaillent de manière très étroite avec EDF, avec... voilà, donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je trouve que la recherche scientifique n'est pas à la hauteur, parce qu'elle n'est pas assez critique, en fait. C'est ça, en fait, mon point. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de regarder la réflexion stratégique sur les orientations de la recherche scientifique française avec les lois de programmation qui sont préparées et de voir comment les questions de transformation de société, les questions de recherche liées au fait d'atteindre la neutralité carbone sont traitées, ou les questions liées à l'adaptation à un climat qui change ou à la perte de biodiversité sont traitées. Voilà, je vous invite à le faire. Moi, je suis sur le fait qu'on n'a pas complètement décliné les enjeux, le besoin de connaissances en appui à ces enjeux. On a cité l'exemple, par exemple, d'une région où il y a eu des actions menées. On n'est pas dans une réflexion sur l'organisation de la recherche pour la mobiliser au service de ces questions-là, pour accompagner les transformations de la société dans ces directions-là. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Et ça crée d'ailleurs des situations de décalage entre ce qu'on attend des chercheurs, c'est-à-dire en gros faire tout le temps plus de papier, de choses comme ça, et un travail de fond, et un travail de réflexion, un travail de distanciation qui est aussi nécessaire. Voilà, on est devant des injonctions contradictoires qui sont assez frappantes. Donc, on reste ensemble jusqu'à 21h, il nous reste 15 minutes. Qui a des questions? Il y a la dame là-bas, monsieur là-bas. Voilà, donc je donne la parole à monsieur. Bon, je suis encore un homme, hein, je suis désolé. J'enchaîne. Moi, j'avais en fait deux questions à faire. Non, mais je vais. Bon, ok. Bon, alors, je vais faire une remarque sur l'éducation, l'enseignement et en fait le transfert de connaissances vers la société. Et en fait, parce que tu as dit que effectivement tu es très impliqué dedans. Et en fait, je voulais faire. C'était une sorte de question, une constatation qui était que. Quand on transfère la connaissance à la société, je pense que c'est, enfin, aux citoyens ou aux enfants, je pense que c'est extrêmement important et c'est l'étape préalable en fait pour préparer et nécessaire pour préparer la transformation. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'est qu'une étape préalable et qu'elle est loin d'être suffisante. Et un exemple concret qui le montre, c'est que par exemple, moi, je suis chercheur aussi océanographe, hein, et je suis dans un labo qui fait de la climatologie, etc. Et en fait, les chercheurs, dont on peut dire qu'ils sont extrêmement au courant des enjeux du changement climatique. On ne peut pas dire donc qu'ils ne sont pas au courant de ces questions-là. En fait, ont énormément de mal. Ils sont dans une dissonance qui est en fait permanente et ont énormément de réticence en fait à faire leur propre transition, que ce soit dans leur vie d'ailleurs professionnelle ou dans leur vie personnelle également. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une question générale. Je ne sais pas s'il y a de réponse. Je ne sais pas s'il y a une façon de répondre à cette question-là. C'est de savoir comment on peut accompagner en fait, ou transformer quelque part l'essai entre l'information, la connaissance et l'information. Et est-ce que c'est possible ou finalement c'est seule la jeune génération qui n'est pas en fait, assise sur des acquis, des modes de vie, des choses comme ça, qui sera seule capable de faire cela, ce qui évidemment a des conséquences en termes de temps pour faire les changements. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une réponse à donner à ça, mais voilà. Moi, je crois que se remettre à l'idée que les jeunes vont se comporter de manière plus vertueuse que nous, c'est une illusion complète. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison. En tout cas, dans l'histoire, ça me paraît vraiment douteux que d'un coup. Mais sur la, là où, par exemple, il y a beaucoup d'académies, enfin, de gens qui travaillent dans les universités, dans la salle, je pense qu'on a déjà une bataille à mener dans notre propre communauté. Quand j'ai rempli mon quadriel du CNRS, j'avais été outré de voir qu'il y avait une question nombre de conférences internationales invitées. Ça, par exemple, je trouve que c'est le genre de truc qui doit disparaître très vite des formulaires d'évaluation parce que... C'est en visio, ou nombre de papiers qu'on a partagé avec un collègue. Enfin, il y a des mille autres façons de partager les idées qu'aller prendre un avion pour aller à l'autre bout de la planète, quoi. Donc cette valorisation un peu... en tout cas, par exemple, dans les... en histoire, cette valeur, ça n'a pas forcément sens de toujours valoriser l'international, etc. Enfin, est-ce que c'est vraiment gage de meilleure production de savoir? J'en suis pas du tout convaincu. Moi, j'ai écrit deux bouquins, enfin plusieurs, mais il y en a deux assez différents. Le premier livre, qui était un livre sérieux où j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire de la régulation des risques au 18e, 19e, la pollution et tout, ont intérêt modéré. Je parle d'anthropocène parce que c'est le buzzword à la mode, ça marche très bien. Et le bouquin est nettement moins bon, en vérité. Donc, je pense qu'il y a une dégradation, au contraire aussi, des savoirs à vouloir viser l'international, le global, parce que c'est un affadissement, en fait, des questions, une standardisation des questions qu'on pose. D'où aussi ce buzzword de innovation, transition, machin. Ça marche très, très bien. Hein. Ces articles que je critique, ils sont cités des centaines ou des milliers de fois. Hein. Ça semble être de la très bonne science. En fait, ça repose vraiment sur... C'est complètement faux, quoi. Donc, il faut vraiment se méfier, à mon avis, de la façon dont fonctionne l'organisation scientifique. C'est pas du tout sain. C'est ça qui me frappe. Oui, Oui, je suis d'accord. Et en même temps, je pense que à partir de ce constat-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut construire ? Qu'est-ce qu'on peut construire collectivement ? Qu'est-ce qu'on peut faire porter comme réflexion au niveau des instances dirigeantes ? Je peux partager une anecdote. Au conseil scientifique du CNRS, on me demande d'intervenir, j'interviens. Et puis, quelqu'un qui me dit « Mais nous, on a une politique de développement durable. » Ils arrivent avec une plaquette sur papier glacé. Et dedans, il y avait marqué « Objectif 13 du développement durable climat. Nous finançons la modélisation du climat. » Voilà. Et donc du coup, en fait, ça veut dire avoir des outils pour évaluer qu'est-ce que c'est l'empreinte en fait environnementale de nos pratiques, des outils qu'on utilise, du calcul, des missions. C'est réfléchir aussi à nos pratiques de sorte à faire le partage des connaissances, la profondeur de la réflexion, la qualité de la recherche, et pas des choses bêtes qu'on peut compter. Voilà. Mais ça demande une organisation collective pour modifier ces pratiques-là. Ça demande des choses un peu chiffrées. Donc, par exemple, l'école polytechnique de Lausanne, ils ont montré que le nombre de voyages qu'on fait n'a rien à voir avec la qualité de la recherche, quelle que soit la manière dont on la mesure. Par contre, il y en a qui ont des fonctions de responsabilité, qui mènent des projets internationaux. Bon, ça fait partie du boulot et c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on voyage beaucoup qu'on est un très bon chercheur. Et on parlait tout à l'heure de la question de faire confiance aux plus jeunes pour porter les choses. Il faut voir le monde qu'on a construit pour nos plus jeunes. Impossible de se loger parce que prix du logement délirant en ville, situation ultra précaire sur la plupart des emplois. Pour les jeunes dans la recherche, enfin, on a construit un parcours du combattant semé d'embûches tout le long. Voilà, donc je pense que la question de se dire c'est cool, les jeunes sont dans la rue, ils sont mobilisés, le problème est réglé, c'est une illusion complète, comme tu l'as dit. Voilà, et par contre, la question c'est qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ? Dans mon domaine qui est celui de la production de connaissances, comment on fait pour que les gens aient un minimum de bien-être mental en travaillant et pas en étant ultra précarisés. Enfin, pour moi, c'est ça des questions de fond. Et après, il y a aussi la question des financements qui vont aller vers la recherche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va pousser comme type de recherche par rapport à ces questions de fond, de changement de société ? Qu'est-ce qu'on va privilégier ? Tout ça, c'est en fait plein de choses qui ne sont pas complètement abordées aujourd'hui. Juste partager un article que j'avais lu. C'est le Tyndall Center qui avait interviewé ses propres chercheurs sur, en gros, est-ce que vous avez besoin de prendre l'avion ? Alors, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais en gros, alors que c'est un truc très global, c'est la recherche climatologique et tout, je crois que 80% des gens disaient, en fait, je pourrais faire mon travail sans prendre l'avion, hein, globalement, parce que les missions au pôle Nord, ma foi, une fois qu'on a la carotte, j'imagine, on n'a pas besoin d'en faire tous les 15 jours non plus. Donc, globalement, la plupart des voyages auraient été tout à fait enfin, on aurait pu s'en passer. Par contre, la plupart, ou pareil, 80% disaient prendre en compte en fonction de l'accès d'une invitation ou non, l'intérêt touristique du lieu. Voilà. À propos de ce que vous avez dit, Monsieur Fressos, sur l'absence, parfois le risque d'absence d'esprit critique des chercheurs, je ferai juste une petite remarque, c'est que il y a l'automne dernier, en septembre, le Conseil des programmes d'éducation nationale s'est alarmé du déficit de l'apprentissage de l'esprit critique au collège et au lycée, et que la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire venir un sociologue, Gérald Broder, qui a travaillé sur l'islamisation et pour comment l'esprit peut être tordu par une intervention extérieure. Et je me disais, où on en est ? C'est-à-dire que même des professeurs de philosophie ou de sciences économiques qui ne sont même pas alertés, enfin, interpellés pour développer l'esprit critique. On va chercher quelqu'un qui est bon. Bref, ça, c'est un exemple de là. Et une petite question très, très courte sur la relation des chercheurs avec le monde tel qu'il existe. Est-ce que, dans le cadre de l'utilisation des terres et des solutions possibles, est-ce que vous avez été, l'un ou l'autre, ou des gens que vous connaissez, interpellés pour intervenir auprès de la Commission européenne dans le cadre de la PAC et au niveau national, par exemple, par la FNSEA ? Alors, je peux témoigner du fait que, avant que le rapport soit finalisé, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux agriculteurs sur le terrain, des agriculteurs avec des pratiques très différentes. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était, donc on fait l'évaluation scientifique, mais l'idée, c'est que ce soit un outil au service de ceux qui sont aux premières loges. Donc c'était aussi pour moi dans la manière de réfléchir à la façon de parler de ce rapport, de sorte à ce que ce soit perçu comme au service de l'agriculture qui peut porter des solutions. Après, j'ai été amenée à interagir avec d'autres chercheurs français qui ont participé à cette évaluation-là, devant la FNSEA, la Confédération Paysanne, des salons de chambres agricoles alternatives au Pays Basque. J'ai été amenée à intervenir dans le cadre d'une réflexion sur les politiques foncières au Parlement, et également plusieurs de mes collègues qui ont contribué à la rédaction du rapport au Parlement européen. Et un certain nombre de personnes, donc, en tout cas à la DG Climat de la Commission européenne, ont suivi de très près ce travail-là. Mais comme pour beaucoup d'autres sujets liés à la question, à l'interaction, disons, santé, agriculture, environnement, il y a des tensions entre différentes branches. Et la branche agriculture, la branche climat ou environnement sont parfois avec des visions très contradictoires. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... voilà, comme le rapport sur 1,5 degré, j'ai été amenée à le présenter lors de marches sur le climat à Paris ou bien au PDG de Total. J'ai présenté avec exactement les mêmes termes, c'était pas reçu exactement de la même manière. Mais je pense que c'est une chance en fait de pouvoir avoir des espaces avec des mondes qui d'habitude se parlent pas, et c'est pour ça que je vois à quel point on a besoin de créer des ponts entre un certain nombre d'acteurs de terrain. J'ai souvent des questions, par exemple, de personnes qui sont de bonne volonté dans des collectivités locales, qui me disent « nous, on a besoin d'une expertise, on ne veut pas que ce soit des consultants, on ne veut pas que ce soit des cabinets de conseil, on veut que ce soit des gens dans des labos hein, qui ont leur propre expertise, qui nous aident à réfléchir sur ce qu'on peut mettre en place concrètement. » Mais on n'a pas souvent les ponts qui existent, hein, les annuaires, les choses qui permettent de créer ces ponts ou de trouver des gens qui acceptent de le faire, hein, soit dans le cadre de leur travail et que ce soit reconnu. Ça pose aussi la question de la reconnaissance d'un rôle de chercheur qui n'est pas simplement de produire des connaissances, mais de les partager, que ce soit reconnu, hein, valorisé. Et après, ça pose aussi la question du cadre dans lequel ça se fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais... Moi, j'ai une question très rapide. Vous avez beaucoup parlé de transition et de transition énergétique. Je voulais savoir si est-ce que... Bon, alors, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'une transition énergétique peut arriver à une transition écologique, mais est-ce que dans un monde idéal, ça serait possible ou pas ? Juste une transition énergétique, soit une transition écologique. Si, bah, je comprends ce que vous voulez dire. En gros, mettons qu'on ait de l'électricité à foison autant qu'on veut, qu'il n'y ait aucun impact sur l'environnement... plus on a d'énergie, plus on agit sur l'environnement, en fait. Donc il y a ce danger-là qui est effectivement non négligeable, en fait. Donc je suis assez d'accord avec cette idée qu'il ne faut pas se limiter à une question de transition énergétique. Alors il faut quand même, il y a le problème du climat qui est urgent et qui a des impacts massifs sur une bonne partie dans les pays pauvres. Donc il faut agir très très vite là-dessus. Donc c'est pour ça que ça reste un objectif absolument primordial. Mais il peut aussi y avoir des moments où ça peut se contredire, les deux objectifs. C'est par exemple la préservation de la biodiversité et les objectifs climatiques ne sont pas toujours parfaitement alignés, même si ça va forcément en général dans le bon sens quand même. Bon, bonsoir, merci pour cet échange. On se demandait si la décision politique était à la hauteur, c'était ça le pitch initial. Et bon, il semblerait que globalement, le sentiment de la salle soit plutôt non. En même temps, ça paraît. Enfin, est-ce que c'est tout à fait surprenant ? Parce que c'est une situation qui est complètement inédite. C'est-à-dire qu'on sait la politique, pendant de tout temps à jamais, pratiquement, ça consistait à s'écharper autour de notions un peu abstraites ou de notions philosophiques ou religieuses. En tout cas, là, c'est quand même, je pense, la première fois que c'est à ce point objectifiable. Voire quantifiable littéralement, et en plus avec des échelles de temps qui sont d'une brièveté complètement inédite. Et du coup, ça pose évidemment la question de la capacité non pas du personnel politique mais de la société à intégrer assez vite les informations qui lui sont soumises. Mais réflexivement, ça pose aussi du coup la question peut-être de celles et ceux, alors je ne vais pas dire avant-garde éclairée parce que ça a des mauvais relents, des gens qui sont plus conscientisés, plus au fait des choses, quelle peut être leur expression publique et jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent s'insérer dans le débat public et peser dans le débat public, parce qu'on travaille pour acculturer la société, on essaye de donner des éléments de réflexion à la nouvelle génération. Et quand on voit à sa clé, typiquement, enfin, voilà, on se connaît par ailleurs, on va peut-être arriver à mettre en place quelque chose pour la deuxième année de licence. Ouh là là là là, bon. Alors que ça devrait être complètement dès le se faire vraiment au lycée, au collège. Bref, ça va être beaucoup plus fort. Mais bon, bref, c'est déjà pas mal. En tout cas, ma question, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il ne faut pas aussi, au niveau des scientifiques, changer de manière de faire et de manière d'être par rapport au débat public et d'assumer beaucoup plus brutalement et frontalement, si ce n'est d'aller à l'élection, d'aller à la responsabilité, en tout cas d'avoir des grilles de lecture qui soient dures pour essayer dans certaines mesures, de trier un minimum le bon grain de livret ou en tout cas de démasquer ce qui relève de directions globalement positives versus de personnes qui en fait passent leur temps à remettre des pièces dans la machine. Voilà. Et juste, je me permets le petit PV pro domo, c'est vrai que heureusement qu'il y a eu Notre-Dame-des-Landes, enfin la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour faire capoter ce projet, heureusement qu'il y a eu des militants antinucléaires professionnels, etc., etc., etc. Mais un autre moyen d'aboutir au même résultat, c'est aussi d'avoir des élus qui ont intégré le logiciel dès le départ. Et donc ça peut être aussi très efficace. Moi, j'interviens plutôt sur la première partie, puis je te laisserai intervenir sur la deuxième, parce que je ne suis pas beaucoup moins compétent que toi. Sur la première partie, alors, il y a des choses qui sont inédites et d'autres qui ne sont pas inédites. Par exemple, au cours de l'histoire, on n'a pas arrêté de s'écharper sur la nature. On ne sait pas que les valeurs abstraites. Par exemple, la question, de la forêt au XVIIIe, XIXe siècle, c'est des enjeux environnementaux et économiques absolument gigantesques. Parce que le bois, c'est la principale source d'énergie, c'est aussi la construction, etc. Et ça revient d'ailleurs, ouais, il y a plein de débats qu'on retrouve. Mais donc à l'Assemblée nationale, pendant la Révolution française, on n'arrête pas de parler de changement climatique, de forêts, etc. Parce qu'on pense que quand on coupe des forêts, on change le climat, parce qu'on altère le cycle de l'eau. Donc il y a énormément, et c'est vrai d'ailleurs. Et donc il y a plein de débats hyper intéressants qui parcourent l'histoire, en fait, et qui sont au plus haut niveau politique, quoi. C'est-à-dire l'Assemblée nationale, même l'Académie des sciences intervient sur ce genre de questions, etc. Et c'est vraiment des enjeux économiques énormes, etc. Donc il y a eu des. Voilà, je peux pas les. Enfin, ça, c'est un peu mon cheval de bataille. J'ai pas envie de laisser croire que voilà, c'est du jamais vu, etc. Ce qui est du jamais vu, c'est que effectivement, faut faire une vraie transition, pas un pseudo rajout de quelque chose sur un mix fossile très rapidement. Donc ça, c'est vrai que c'est du jamais vu, et on n'a aucun analogue historique d'un changement technique qui soit proche de ce qu'il faut faire maintenant. Ça c'est vrai que c'est du jamais vu. Après, le rôle du savant et du politique, c'est un vaste débat. Je ne sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans. Je sais que c'est un peu le cœur du sujet, mais objectivement, enfin, est-ce que vous pensez que c'est les mêmes compétences et le même type de personne qui sera. Enfin, je ne sais pas. Oui. Alors, moi, j'ai essayé, en fait, j'étais élue locale dans mon village. En fait, on est venu me chercher parce que je m'occupais des enfants. Et c'était liste unique. À l'époque, il n'y avait personne d'autre qui voulait le faire. Parce que, on a la situation aussi, là, sur les municipales, qu'il n'y a souvent pas beaucoup de gens qui ont envie de le faire. Ça prend un temps dingue. Ça prend un temps dingue, même sur un petit village. Ça apprend tout l'art du compromis qui est celui de la gestion des affaires courantes, même quand on est juste conseiller dans un petit coin. Ça montre aussi le fossé entre les élus et puis l'information scientifique, ne serait-ce que lire des résultats d'analyse de l'eau, de l'air, avec des unités scientifiques de mesure. Pour beaucoup de gens, c'est une autre langue, en fait. Donc moi, ça m'a montré tous ces aspects-là. Ça m'a montré aussi que souvent, avec une approche de bon sens, on peut faire avancer des choses. Et puis sur certains sujets, on se heurte à des freins qu'on n'avait pas anticipés. Moi, j'avais voulu regarder un peu les questions de gaspillage alimentaire, de choix de menus, de choses comme ça, pour avoir des choses un peu mieux. À l'époque, ce n'était pas du tout accepté, il y a une dizaine d'années. Puis maintenant, c'est l'inverse, en fait. Il y a une attente à ce que ce soit fait mieux. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là, je trouve, qui est intéressant. Mais alors, par contre, ça prend un temps dingue. Trois soirs par semaine, un bout de week-end, enfin voilà. Donc il faut aussi, je pense, reconnaître le travail de ceux qui se dévouent, qui essaient de le faire le mieux possible, et peut-être les accompagner en ayant des suggestions de choses précises, factuelles, des indicateurs pour faire le suivi, de sorte à ce qu'il y ait une espèce de table d'analyse de ce qui fonctionne, pour pouvoir réorienter les choses, ou de ce qui a vraiment. Ce qui peut avoir des bénéfices importants, par exemple pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, il y a besoin d'outils pour le faire, et souvent ils n'existent pas, ces outils derrière la prise de décision. Puis il y a besoin de faire du fact-checking de tout ce qui se raconte pour vérifier ce qui est du bluff et puis ce qui est vraiment quelque chose de sérieux, d'aller creuser derrière les lois, les choses comme ça. Souvent, ça manque, en fait, hein, de cette analyse-là, de voir ce que ça apportera vraiment. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est la loi agriculture-alimentation, quasiment rien sur l'aspect environnement-climat. La loi mobilité, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, on ne sait pas. Voilà, donc il y a aussi besoin d'avoir ce type de choses, de mobiliser peut-être plus un peu le monde académique pour avoir une analyse, vérifier les choses et le communiquer au grand public. Et dernière chose, en fait, il me semble en fait que les élus, souvent, ils minimisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de fâcher le moins de gens possible. Parce que dès qu'on fait quelque chose, ça fâche des gens, globalement. Alors là, par contre, il y a des gens plus disponibles que d'autres pour aller embêter les élus tout le temps, c'est les retraités. C'est très frappant. Et moins les actifs et moins les jeunes. C'est comme ça, en fait. Hein. Vous allez voir un conseil municipal, vous allez voir... Il y a besoin des retraités qui se mobilisent et qui aident à faire avancer des choses concrètes, un peu rigoureuses. Et puis, dernière chose, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à n'importe quelle échelle de responsabilité, s'il n'y a pas un plan d'action au départ, il ne se passe rien. D'accord ? Donc, vous regardez les projets politiques, à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. S'il n'y a pas un truc dans le projet, il ne se passera rien, parce qu'une fois qu'ils sont aux affaires, il n'y a pas le temps, en fait. Et après, sur les projets, si ce n'est pas détaillé, il ne se passera rien non plus, parce qu'il n'y a pas la méthode. Et donc, il y a aussi besoin de tout le travail en amont pour arriver avec des choses un peu pragmatiques, opérationnelles, pour nourrir ce que peut être un plan d'action une fois que des gens bienveillants ont envie d'agir dans une certaine direction. Et s'il n'y a pas ces aspects-là, ça ne se passera pas. Donc il y a aussi besoin, je pense, de tout le travail de réflexion collective, un peu participatif. Et dans l'histoire, il me semble que c'est comme ça que se sont faits les changements politiques, les changements de société. C'est jamais venu des gens au pouvoir. C'est venu de l'ensemble de la société, de la société civile, qui est arrivée, qui a construit, parfois qui a accumulé de la colère, mais qui a construit des choses qui ensuite se sont imposées, il me semble. Un bon précédent historique aussi, c'est justement la crise énergétique 73-74 aux États-Unis. J'avais un peu regardé ce qui s'y passait. Stimson, qui est le sous-secrétaire d'État, enfin il est au Trésor américain, je ne vais plus vous dire, mais il est très haut placé. C'est lui qui pousse pour le rationnement, en disant si on laisse faire, en fait, le prix du pétrole va augmenter, ça va créer une inflation et ça a des effets économiques beaucoup plus dommageables sur les États-Unis que rationner drastiquement, hein, le pétrole, parce que les gens vont dépenser leur argent ailleurs. Et ça, je veux dire, c'est évident que c'est ce genre de discussion qu'on devrait avoir. On serait sérieux sur ces affaires de changement climatique, on commencerait à parler de ça, en fait. Et on l'a fait, historiquement, on n'a pas arrêté de le faire. Dès qu'il y a une guerre, le premier truc qu'on fait, c'est on rationne, en fait. Donc, voilà. Mais le problème, c'est qu'on a tellement été moulinés par l'idée qu'il faut laisser faire l'économie sinon c'est la catastrophe, hein, le marché, etc., que ça, c'est absolument inaudible politiquement. Donc, voilà, je pense que ça, c'est le genre de choses où quelqu'un, enfin, s'il y avait un pouvoir écolo, il pourrait y avoir des actions, en fait, assez impressionnantes et assez rapides, en fait, où ça agit tout de suite, le rationnement. C'est pas on attend que peut-être il y aura une transition technologique qui va nous permettre de, un jour... Donc là, voilà, c'est ce genre de choses, à mon avis, qu'il faudrait... discuter. Après, sur le rôle du savant en politique, je trouve qu'en fait, globalement, quand on parle de ce qu'on connaît vraiment, en gros, le papier qu'on a lu la veille ou bien ce sur quoi on a travaillé pendant 10 ans, les savants, les scientifiques ont des choses intéressantes à dire, etc. Dès que ça sort un peu de ça, en fait, on est très vite café du commerce. Moi, je suis au conseil scientifique de la FNH, donc on voit, hein, dès que quelqu'un sort un peu de son domaine, c'est un truc qu'on a tous entendu un peu dans les journaux ou ailleurs. C'est normal, hein. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, moi, ce qui m'inquiéterait, ce serait plutôt la prétention à être un grand politique parce qu'on serait un grand savant. Si Valérie se présentait, je voterais évidemment pour elle. Mais c'est... je veux dire, il y aurait quand même le risque de produire un personnage qui ne soit pas, en fait, fondé sur sa vraie expertise, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé ça un peu douteux, quoi. Le genre de scientifique qui, d'un seul coup, parce qu'ils sont très intelligents, des grands mathématiciens, par exemple, devraient... vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais juste terminer sur la notion d'expertise. On m'a parlé d'un site qui s'appelle expert.edu.fr. Alors, je vais laisser la personne expert sur le sujet nous en parler. Alors, je ne suis pas du tout expert, mais en fait, il y a un site qui a été mis en avant qui s'appelle expert.fr pour mettre en avant un peu de diversité quand les journalistes cherchent des expertises. Et donc, ça permet, par exemple, pour les doctorantes, les doctrices, enfin les personnes, les maîtresses de conférences, les professeuses, enfin, de mettre en avant des femmes qui vont pouvoir participer au débat public comme ça. Merci. Et là, je crois qu'on va arriver au mot de conclusion que je laisse à mon collègue. On vous remercie beaucoup pour votre assistance. Et, enfin, ça, c'est une autre langue, ça, assistance, mais... présence, voilà, et vos questions. Et puis, je vous invite à applaudir nos intervenants. Il faut remercier la Maison de Portugal qui nous a ouvert ses portes de façon incroyable. Et j'invite mes collègues d'Écopolien à se lever pour que vous les identifiez si vous voulez discuter avec eux, les collègues qui ont contribué à organiser. Voilà, et merci à tous. Bonne soirée.